Cifu 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifu.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien Gartin sera peut-être certain de ce qu'il avancera dans son bulletin Gartin. Sinon, dans les coulisses de la Luître, Frédéric Simon sortira de son imagination un résumé d'improvisation. Ça rime, assemblage requis tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bienvenue à son lâche requis en ce mercredi 15 novembre 2017. On est à 163 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Antonia Baudin. On est en direct des studios de Cifu à Trois-Rivières. On n'est pas seul en studio, Mathieu. Non, Sébastien Gartin est là déjà. Je pense que son premier bâillement du matin est passé. Il va être en forme avec nous pour le As-tu reste. As-tu bu ton café, là? C'est la question qui tue. C'est drôle parce que tu penses que j'ai besoin de prendre rien qu'un café. C'est ça. Non, si t'es comme nous, t'en as besoin plusieurs. Ouais, c'est ça. C'est comme 8 à ouais. C'est ça. Présente pas trop. Hein. As-tu pris ton Slex de café ce matin? Ah, j'ai pris un espresso à matin, fait que genre ça bourre un peu moins sa caféine. C'est ça. Moi, évidemment, ben, je commence en m'excusant déjà que je suis arrivé un petit peu en retard avec tout ça. Mais voyons. Ça arrive, hein? C'est ni vu ni connu. Il est vraiment écart, là. C'est, ouais. Ça. Il y a de la... Ben, tu es en retard. Oh, merci. Il y a de la construction, là, sur le bord de l'hôpital. À la côte, là, de Sainte-Marguerite. Mathieu Plan trouve des défaites. Merci. Bref, aujourd'hui à l'émission, maintenant qu'on a commencé, on n'arrêtera pas. Hein? Non. C'est rare quand même qu'on commence aussi tard. Ouais, quand même. Quoi, deux fois? C'est arrivé rarement. Très rarement. Donc aujourd'hui à l'émission, on a Frédéric Simon en fin d'émission qui va être avec nous pour remplacer Gabriel Béhoud. En fait, d'habitude, Xavier McLeish remplace Gabriel Béhoud, mais là, Xavier peut pas être là. Donc Frédéric Simon va être là pour remplacer Xavier, pour remplacer... C'est Gabriel. C'est ça. Donc Frédéric Simon pour Dans les coulisses de la lutte, on va parler du match de lundi auquel je n'étais pas et Xavier non plus, c'est pour ça qu'il... C'est pour ça que Frédéric Simon, il est bien. C'est exact. Sinon, on a aussi plus tard ta chronique à toi qui s'en vient, Thaliès Golan Tutenia. Oui, on va parler de santé un petit peu. Vous allez voir, je vous laisse sur le suspense. Cool. Jusqu'à temps que ce soit la chronique. Mais le temps des fêtes s'en vient, fait qu'on veut faire attention. Est-ce que tu parles de ta gorge? Tu commences à s'en aller. De quoi tu parles? Non. J'ai même pas remarqué. Prends soin de ça. Et d'autres chroniques, dont la chronique maison, c'est expliqué, ça ne devrait pas, on l'a parce que David Ferron ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Bouh! Pas de chronique zone campus, malheureusement. On sait qu'il nous écoute, hein? Fait que oui, on tient à dire que les réactions qu'on a par rapport à David Ferron, il les entend. David, il s'en sauve pas, hein? Mais même, on n'est pas méchant. Ouais. Shame on you, David. Ouais. Vraiment, hein? Commençons ça tout de suite, vous l'avez entendu, Sébastien Gartin est déjà là. Pourquoi en fait est-ce qu'il est là? Ben, c'est pour sa chronique à chaque semaine. Donc voici son bulletin Gartin. Sébastien Gartin, bonjour à toi. Bonsoir. Officiellement. Je te vois avec ton téléphone devant toi, ce qui me laisse penser que ça va être une chronique avec casque. Oui, c'est une chronique avec casque. Donc bien préparé dans les faits. Ouais, un petit peu préparé. OK. Un petit peu préparé. C'est une chronique un peu éditoriale. Un petit peu éducative. Ah, mon oh, d'accord. Que je vais peut-être froisser du monde comme tout le temps. Oh, oh. Mais bon, c'est en fait, mon but, c'est de défroisser des gens. OK. Je vais venir au vif du sujet. À la vapeur de la chose. Comme en guise de sujet amené, je dirais, peut-être, avez-vous remarqué, je vais arrêter de parler comme ça, ça me tombe ses dents. C'est bizarre, hein, ouais. Ouais, c'est... J'étais comme trop... Professeur. C'était quasiment dramatique. Ouais, c'est ça. Peut-être, avez-vous remarqué, depuis quelques semaines, une patente qui revient à peu près à tous, ben pas à peu près, à tous les ans, dans cet ainsi de l'année, les politiciens et les personnes âgées portent un petit truc rouge à leur boutonnière. Oui, c'est comme si c'était la règle, hein, tu regardes la télé. J'avais pas trouvé nulle part. Non. À la télé, ils l'ont tous exactement au même endroit. Je pense qu'ils ont comme un fournisseur officiel et un installateur sur l'habit. Ou peut-être quand ils mettent leurs vêtements le matin, c'est déjà mis dessus. Mais bien souvent, là, tu vas facilement en trouver, là, par exemple, au Canadian Tire ou à la station d'essence. Je te jure, cette année, c'est la première fois que j'en trouve pas.

aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Deuxième heure de l'Assemblage requis en ce mercredi 15 novembre 2017. Oui, la moitié du mois. Oui, déjà. Elle est Tania Bonin. Oh, et Mathieu Plombe. Ah, mais s'il peut finir, au moins, on se plaindra pas là, que le mois avance. Attends, c'est le mois fini, il y en a un autre qui commence, non, qui veut dire dépense. Ah, il est moins long, décembre. Oui, mais un peu moins. Tout arrive en décembre. C'est toutes vrai. Les dépenses incroyables arrivent en décembre. Fais-moi confiance, j'en ai eu en novembre. Oui, bon. Mais c'est ça, le mois de novembre. Si on est accro à la technologie comme toi. Un peu trop, hein. C'est ça. Un peu trop. Mais bon, je m'assume là-dedans. On était justement en train de parler avec notre ami Sébastien Viertin, qui est une jeune étudiante. Salut. Il vient de quitter. C'est ça, ben, il n'y a pas eu le choix. En fait, je voulais continuer la conversation en mettant une pièce au retour de la pause. Il a dit, hey, tu viens juste d'en mettre une. T'as raison. Fais pas le paresseux, Mathieu Plante. On aurait pu pareil parce qu'on sait que nos auditeurs aiment la musique, puis on sait qu'on est tout seul encore pour le reste de l'émission. Bon, ben tiens, on va le faire dans ta face! Exactement! On va continuer avec notre prochaine chronique. En fait, on va faire beaucoup de Sex Mess, ça ne répond là dans quelques instants. Oui. Donc, avant ça, écoutons une nouvelle entrée de Fanny Bloom. On l'a entendue une fois, je crois que c'était lundi. On l'a bien aimé, donc voici Petit Bois. Petit Bois! Je préfère les petits fruits des champs, mais bon, Petit Bois, c'est assez. Chacun ses goûts, hein. Mon smoothie, c'était ça, oui. De Fanny Bloom, son âge requis. cute à mort. Mm-hmm. Ça va pas trop aigu pour toi, Tania? Parce qu'elle aime pas les capsules de Rosalie Vaillancourt parce qu'elle parle trop aigu, espèce ça... de superficielle. Non, ça dépend. Attends, là, là, j'ai pas dit que je l'aimais pas. J'ai dit que j'aimais pas sa voix. J'ai dit qu'elle me tape ses nerfs. Sa voix, elle me tape ses nerfs. Ah, que t'es superficielle. Pas ses jokes. Ses non. jokes sont drôles. OK, cool. Ouais. Je dois avouer que j'ai regardé toutes les capsules d'Éduc Alcool avec elle et son, bon, son copain. Pierre. Ils sont vraiment drôles. Je les aime tellement. Ah, boy, Rosalie vient encore. Toujours à Assemblage Requis, maintenant, c'est le moment, vu qu'on n'a pas de chroniqueur d'ici 9h. On va pouvoir s'acheter plein, plein de choses, faire du magasinage, on l'a dit tantôt, l'argent, c'est là qu'on la dépense. Donc voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça ne devrait pas là, la chronique, on s'achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Le premier article est quelque chose de très, très à la mode en ce moment, apparemment. Hein. Tu savais que les extensions de cils, c'est vraiment à la mode. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre comme extension? Les ongles. Ouais. Celle pour brancher tes lumières de Noël. Oui, oui, tout à fait. Je dois en acheter beaucoup. C'est ça. La prochaine affaire, c'est les extensions de poils de nez. Ah non! Bien sûr, pour rester devant la mode, être à l'avant-garde, c'est comme ça qu'on aime ça. C'est horrible! Pourquoi prendre votre temps à maquiller vos cils quand on fait juste vous installer des extensions toutes faites sur le nez? Hey, c'est... Franchement! Ouais, ben là, tu sais... Non, mais c'est clairement des cils... Ben oui. ...qui sont mis autour des narines. Il y a clairement personne qui va faire ça, mais bon. J'espère. C'est juste drôle! Ça me rappelle un petit peu ta Calo, Frida Kahlo, là, oui, ta top modèle de avec le monosourcil. Avec un énorme monosourcil dont on a parlé il y a quelques Je pense que je préfère le monosourcil au poil de nez. Probablement. Ensuite, est-ce que t'aimes les jeux vidéo rétro un petit peu arcade? Tu sais, une partie, tu fais ça vite, ça prend 5 minutes. Quand même, ouais. Ouais. Donc, t'aimerais ça avoir peut-être une arcade sur ton mur. Ah oui! Et c'est possible de nos jours avoir une wall-mounted arcade machine, donc vraiment une machine d'arcade, mais super légère qu'on peut fixer au mur. Transformer n'importe quelle pièce de votre maison en arcade rétro avec ces machines-là. Contrairement aux machines super lourdes et massives qu'on avait dans le passé, les Frogger, les Galaga et les autres affaires comme ça. Ici, super compact. C'est pas un cadre quand même, il y a quand même une certaine profondeur, mais les vrais boutons, le vrai joystick, là, tu peux vraiment taper là-dessus comme tu veux, et comme c'est fixé après le mur, ben, il n'y aura aucun problème. Il y a plusieurs modèles. Ça s'appelle Barcade, voilà. Et Super Arcade. T'as des jeux de Mario là-dessus, t'as des émulateurs de consoles de jeux vidéo. Donc, vraiment cool. C'est sur assemblagerequis.com que vous allez retrouver le lien. Évidemment, c'est super cher. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même, bon, 1 750 $ canadiens. Mais bon, pour ceux qui ont l'argent, pourquoi pas. Je l'investirais plus dans un voyage. Ouais. iPhone 10. Ouais. Prochaine affaire, c'est des... tu sais, des fois, tu vois, quand tu vas dans, je sais pas, au végétarien ou une épicerie ouais. comme ça, tu sais, une épicerie qui a pas beaucoup de budget, tu vas avoir une pancarte blanche avec des fentes pour pouvoir insérer des lettres à la main. Ben oui! Puis là, ben la personne, tu les vois installer ça, il manque les lettres qu'il faut faire, fait qu'il va mettre des 4 à la place des A. Oh mon Dieu, puis, oui! Puis il y aura pas de pluriel, puis il y aura pas de, tu sais, parce qu'il a manqué de lettres, tu sais, bon. Ben, c'est un peu le même principe, mais pour chez vous. OK. Et tu vas pouvoir faire tes propres affichages. Bon, tu marqueras pas le prix c'est de tes légumes. C'est tellement Pinterest. C'est tellement Pinterest. Tu mettras pas tes légumes. Tu vas mettre peut-être une petite citation inspirante que tu as trouvée justement sur Pinterest. Genre, donne-moi du café. C'est ça. Comme ici, c'est « I don't need an inspirational quote. I need coffee ». Exactement. C'est parfait. Donc, c'est un panneau, en fait. Ben, c'est pas la même chose que dans un magasin, bien sûr. Ça coûte seulement 80 $. C'est fait en feutre. OK. Et ça vient avec une tonne de lettres, de chiffres, de ponctuation pour pouvoir appeler à peu près n'importe quoi, sauf des accents, j'imagine. Tu mettras une virgule sur ton E. Mm-hmm. Hein? Tu t'en mets pas obligé de les mettre. Franchement. 80 $ canadiens. Ensuite de ça, c'est les Felix Gray lunettes qui vous permettent, vous disent, de réparer ce que les écrans de téléphone et de tablette font à vos yeux. OK. Les lunettes pour contrer ça. D'accord. Pas sûr, pour les gens qui travaillent devant l'ordinateur tout le temps, les écrans, les LCD surtout, vont faire mal aux yeux, vont causer des problèmes. Plusieurs études qui racontent ça. Et les Felix Gray Eyeglasses, ça promet un soulagement de tout ça. Leurs lunettes sont faites pour protéger vos yeux de 400 à 440 nanomètres de lumière bleue. OK. Ce qui, selon leur site web, c'est le rayon le plus dangereux. Et si on est exposé trop longtemps à la lumière bleue, ça va faire un moins bon sommeil, une vision floue, les yeux secs, des maux de tête et des fatigues oculaires. Felix Gray n'a pas encore de lunettes avec prescription. Il y a par contre des lunettes avec un effet de loupe dedans pour lire de plus près. et plusieurs styles, parmi lesquels choisir, mais sans force, à partir de 95$ US. Je les essaierai peut-être à, je sais pas, je demanderai l'aide de professionnels oculaires. Ouais, de, ouais ça, moi aussi, pas. Probablement. Je sais pas. Ensuite, c'est quoi le prochain? C'est un... Non, cette page-là fonctionne pas. Non, ça a l'air le fun pourtant. C'est un oreiller. C'était... Ah, pour vrai, je vais en parler quand même. Je me rappelle avoir lu. Là. Ça fait quand même longtemps. Mais bon. C'est... Le lien fonctionnera peut-être quand vous irez. OK. L'article s'appelle The Lacy Pillow is Made for People with Glasses sur ogizmo.com. C'est un oreiller. OK. Okay. Mais tu sais, quand tu te couches sur le côté, tu sais peut-être pas, là, quand tu portes des lunettes souvent, même pour lire. Ou tu regardes la télé, quand tu te couches sur le côté, tes branches vont... Ben oui, ben oui, ben oui. Ça fait mal aux tempes et ça peut même crochir tes lunettes. Oui, vraiment. Ça peut les casser dans mon cas. C'est pour ça faut que tu les enlèves. C'est ça, ben oui, mais tu peux pas regarder la télé de loin si tu les enlèves, ça marche pas. Fallait que tu mettes tes verres de contact, c'est pas le fun. Fallait que tu te couches jamais sur le côté. Ouais, c'est ça. Ou tu pourrais acheter la Lacy Pillow. OK. C'est un, ben, comme Lazy, hein. C'est, mm-hmm. C'est un oreiller pour paresser, mais avec une fente dans le milieu. Ouh! Pour que tes lunettes aient la place. On aime ça. C'est pas pire, hein? Donc, ben, imaginez-vous que l'article fonctionne, puis faites comme s'il y avait plus de détails que ça. Ben oui. Ensuite, les fêtes s'en viennent. Mm-hmm. On cherche tout le temps quelque chose d'original à donner aux gens. Mettons, t'as un petit party, tu as un bol de quelque chose à offrir. Bon, des chips, des cannes de bonbons, ça pourrait être bon, hein? Ouais. Des cannes de bonbons ici à saveur de poulet de rôtisserie. Ah, OK. T'sais, pour rotisserie chicken candy canes gourmet. Ah, bien sûr, ça fait changement un petit peu. C'est supposé donc être, à la place d'être rouge et blanc, c'est des bandes jaunes et brunes pour le poulet croustillant et, je sais pas, le jaune, sûrement l'intérieur du poulet. Sûrement la peau et l'intérieur, je sais pas. Bref, ça dit que ça goûte vraiment le poulet. OK. Parfait pour un repas de l'Action de grâce, un repas des fêtes. Ça probablement. En boîte de 6. D'après moi, 6, ça va être trop. Oui. Boîte de deux, peut-être. C'est boîte de deux pour pouvoir partager. Juste une. Une coupée en deux. D'après moi, t'as compris le message, ça? C'est ça. Mais bon. Ensuite, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je me rappelle avoir parlé de quelque chose de similaire dans les dernières semaines, mais je me rappelle que c'était pas exactement ça. C'est une télé intelligente de Samsung qui s'appelle The Frame. C'est comme une installation artistique, mais pour ton chez-toi. OK. Donc, t'aimes ta télé, t'aimerais pouvoir la cacher. Ben ici, c'est une télé qui ressemble à un cadre, en fait, quand tu regardes pas la télé. Oui! T'as 100 toiles de 10 différents genres qu'on peut sélectionner comme image et ça va faire un bon complément à votre décor quand vous n'utilisez pas la télé. On peut ajouter en fait un vrai cadre dans le sens fait de bois là, il peut être peint blanc, beige, bref, pour aller autour de la télé, c'est fait exprès pour. Et le Samsung No Gap Wall Mount, qui est inclus à l'achat, va permettre d'accrocher la télé exactement contre le mur. Donc les fils seront pas derrière, vont être sur les côtés et cachés dans des moulures, j'imagine. Bon, évidemment, sur les photos, ils ont pas mis les moulures. Hein? Il y a juste pas de fils. Ils ont rajouté une image par Photoshop là, on s'entend, pour être le moins représentatif possible. Mais quand même, il y a de quoi à faire avec ça. Le fait que les fils soient pas en arrière, ça fait que ça va ressembler vraiment plus à un cadre. Donc, on nous dit expérience plaisante, résolution 4K Ultra HD, 1 milliard de couleurs produits par la télé The Frame et des fonctions évidemment de Smart TV, ce qui veut dire que vous pouvez regarder Netflix dessus. Tout ça en modèle 55 pouces pour 2000$ US ou 65 pouces pour 2800$ US. C'est incroyablement cher. C'est cher. C'est la Samsung The Frame LED 4K UHD Smart TV. Son vrai nom est la UN65LS003 AFXZABIBI44X, etc. Je me rappelle même pas du code de Bibi. Mon enfance. J'ai oublié mon enfance. Bibi. Ensuite, tu sais, quand tu prends est-ce que tu prends des pilules beaucoup, mettons, une fois de temps en temps, le matin, le soir, peut-être? Moi, j'en prends, j'en foule. Fait que le matin et le soir, je suis tout le temps en train de prendre mes pilules. D'oublier, là, j'ai une application qui me le rappelle avec un snooze aux 1 minute pour être sûr de pas en manquer. C'est vraiment pas le fun. Ici, c'est un distributeur à pilules, en fait. C'est, ça a vraiment l'air high-tech, là. C'est vraiment high-tech. On dirait, je dirais, une cafetière mélangée avec un ouvre-boîte, là, vraiment robotisé, incroyable. Et une cafetière. C'est tout. Ouais, vraiment. Tout en même temps. Bref, c'est ça, pour les gens qui prennent des vitamines ou des pilules, il y a personne qui aime ça avaler, en fait, une grosse pilule, surtout sans breuvage, nous dit-on. Donc, la compagnie Tespo sort son Vitamin Countertop Dispenser. Donc, tes vitamines deviennent ton breuvage. Mm-hmm. Il y a une variété de suppléments parmi lesquels choisir, donc des multivitamines pour enfants, femmes, hommes, aide pour dormir, pilules de caféine, énergie, ça peut être la santé des yeux, la ménopause, les cheveux, la peau et les ongles. Une fois que tu as sélectionné ta vitamine ou ta pilule, tu démarres le distributeur un peu comme une machine à café et tu vas pouvoir savourer un shooter de vitamines. On nous dit que prendre les vitamines en forme liquide et non pas en pilule ou en capsule, c'est plus ça se digère mieux, en fait, qu'ils disent. Leur pod de vitamines, en fait, je regarde ça, je pense que ça fonctionne seulement avec leur pod. Ouais, ça contient aucun sucre, aucun OGM, aucun glucide, calories ou agents de conservation. Jusqu'à 3 pods peuvent être mis dans la machine, permettant l'accès à la famille. Pour 100$, on va recevoir donc un vitamin dispenser avec un verre, un cordon d'alimentation et un Tespo Go pour amener vos vitamines en shooter pour vos urgences. Lala. Et les pods sont vendus séparément. Oui, je suis déçu, je pensais qu'on pouvait mettre ses propres pilules dedans. Ben ouais. Désolé. Bon. Platounet, mais bon, pour ceux qui aiment les vitamines, tu sais. Hein? Ça pourrait être ça. Tespo et leur site web. Donc, gettespo.com. Ensuite, on se rappelle, dans le bon vieux temps où on avait Windows 95. Ah oui! Ok, oui. Donc, si vous vous demandiez de quoi pourrait avoir l'air un téléphone Microsoft avec Windows 95 dessus, voici le Windows 95 smartphone. C'est le designer, Enrique Perticarati, qui a créé un concept pour un téléphone Windows 95. Évidemment, vous ne pouvez pas vous le procurer. Mais non. Ah, mais pourquoi voudriez-vous vous le procurer? Pour le Wiz sur Messenger. Hey, c'était après Windows 95, ça. Oui, je sais. Hey, 95. Pour jouer à bloc. Oui, solitaire. Solitaire, tu peux sur iPhone. C'est vrai. J'imagine que tu peux aussi jouer à bloc sur iPhone. Je vois des gens jouer au solitaire sur leur téléphone. Je suis comme... je l'ai. Il y a d'autres jeux là, qui ont sorti depuis. C'est la tradition. Solitaire, ça me calme. Ça, puis des mineurs. Hein. Oh, des mineurs, ça me rend agressif. Ah, j'avoue que les bombes, tout, c'est violent. Ah, il faut que je l'aille, sinon je tombe agressif. Ouais, je comprends. Ensuite, on parle souvent de café dans ces chroniques-là. On aime ça, pouvoir s'acheter du café. Il y a tellement de produits dérivés de ça. Ici, on a des choux au café. Tu sais, des trucs à mâcher. Oh mon Dieu! Un peu comme un chic son tabac. Un peu comme un clin d'œil. Comme un clin d'œil, exactement. C'est le dry brew de Coffee Chew. Simple, pratique et de l'énergie sur le pouce. Drybrew.com pour leur site web, c'est fait de café torréfié moyen, 6 onces liquide avec de la caféine naturelle qui a été condensée en un bonbon à mâcher en utilisant un processus breveté de café sans eau. Combien ça coûte, Mathieu? Combien ça coûte? Ah, j'aurais même pas fini de lire. Attends un peu. Combien il ça coûte? Il faut savoir. C'est sur Amazon.com, 18$ US. Est-ce que c'est disponible au Canada? On va aller voir. Ne ship pas au Canada, mais on peut sûrement le trouver ailleurs, par contre. Je vais te chercher ça, Dry Brew Coffee Chews au Canada, si l'ordinateur me le permet. Voyons, hey, dry. Et ça va être beaucoup trop long, hein. Je pense que je vais abandonner avant d'avoir le résultat. Bref, j'abandonne. Dry Brew Coffee Chews, c'est sur Amazon.com, mais comme je l'ai déjà dit dans une chronique précédente, vous pouvez vous faire livrer des produits d'Amazon.com au Canada si vous ne le trouvez pas ailleurs. Oui. Donc c'est fait, il faut juste trouver un site pour ça. Je me rappelle pas du nom, Cross Border, quelque chose. Bref, chaque morceau de chou contient 65 mg de caféine naturelle. C'est l'équivalent d'une tasse de café de 6 onces. Mmh. Parfait, donc pour ceux qui aiment le café, qui aiment le goût du café, mais qui peuvent pas ou qui veulent pas avoir une tasse de café bien chaud sur la route ou quelque chose comme ça, en train de courir, jogger, peu importe. Ensuite, quand on ouvre des colis, tu sais, on se commande quelque chose comme du dry chew coffee brew, hein? Dry brew coffee chew, bref. Et on veut ouvrir son paquet, là, on sort la paire de ciseaux, ou bien sinon on sort ses clés. Mm-hmm. C'est pas pratique. Non. Si t'avais, imagine un dé à coude magique. Ah, oh, ça serait un bien. Un dé à coude avec une petite lame au bout. Ouh là là. Imagine ce que tu peux faire avec ça. À part ouvrir des boîtes, pas mal tout ce que tu peux faire. Ah, c'est ça. Bref, une lettre, même pas. Non, même pas du tout. Donc, un dé à coudre que tu mets, il est là dans différentes couleurs, et puis tu peux facilement déchirer des feuilles. Oui, tiens, ils me disent, pour du papier d'emballage pour les cadeaux. Ça pourrait être vraiment pratique, ça. Sans silicone, une petite lame de couteau au bout pour facilement trancher les boîtes. Des lettres, on dit qu'on peut, on pourrait ouvrir le côté de la lettre avec ça. Tu mets ta lettre sur quelque chose que ça ne dérange pas de se faire couper, une planche à découper, et tu passes ton doigt dessus, frouit. Et ça ouvre la lettre. Ensuite, on parle de vinaigrette un petit peu. Hein. La vinaigrette, miam, miam, miam, miam. Vous avez peut-être vu passer sur Internet et j'ai mis l'article sur assemblagerequis.com. C'est encore une fois sur le site qui ne veut pas ouvrir, là, mais Hidden Valley qui va sortir un keg de 5 litres de vinaigrette ranch. As-tu vu passer ça? 5 non. Litres de vinaigrette ranch. Eh bien, j'avais trouvé une autre nouvelle aussi par rapport à une fontaine de Hidden Valley Ranch qui comprend une année de Hidden Valley Ranch et une jupette pour pouvoir décorer Noël autour. Ah. Donc si c'est pas assez pour vous, le 5 litres, le mini keg de Hidden Valley Ranch, ben voici Hidden Valley Ranch Mountain. C'est une fontaine taille comme la fontaine de chocolat. C'est fait pour tremper les affaires, donc tu pourrais tremper des légumes, des craquelins, des morceaux de fromage. Hein? C'est sur 4 étages. C'est super joli. Et en plus, ben, c'est ça, ça comprend un an de vinaigrette Hidden Valley et une petite jupette festive pour aller en bas de ça comme un arbre de Noël. Et on peut tremper n'importe quoi, oui, dans sa Hidden Valley Ranch, la vinaigrette ranch de préféré des Américains. Ensuite, on reste dans la nourriture. T'aimerais, tu sais, des fois, on dit, on a déjà dit, je pense, c'était chez Tim Hortons qui avait dit ça, le bol à pain pour la soupe. Tu te rappelles, chez Tim, tu veux manger le bol? Oui, la soupe est tellement bonne, il était en pain. Ouais, je sais pas, ça a été abandonné avec le temps, je comprends oui, pas trop. Oui, c'est triste. C'est très triste. S'il y a une affaire de pas pire chez Tim, des fois c'est le pain. Oui. Pas toujours. Ben, ça dépend. Bref, t'aimerais ça manger ton bol, oui, mais maintenant tu vas pouvoir manger ta cuillère. Donc, terminez votre repas en mangeant votre cuillère des Edible Spoon. C'est donc une machine Edible Spoon Maker. C'est un petit électroménager, comme on l'appelle, qui va sur le comptoir ou dans l'armoire jusqu'à temps que vous pensiez à la sortir. Et c'est fait pour faire une batch de 4 cuillères croustillantes et bien brunes en seulement 3 à 4 minutes. C'est incroyable. Oh. Tout ça pour 37$, pour vrai, c'est vraiment cool. Tu veux juste pas la mettre dans la soupe, hein? Non, effectivement. Hier, j'ai suivi le conseil de tout le monde qui me disait hey, tu sais, quand tu prends une entrée d'escargot au restaurant qui te coûte 7$ pour 4, ouais. Ben, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. J'ai acheté un petit pot à 3$, il y en avait comme 45 dedans, puis j'ai mangé ça hier. Oui. C'était malade. Imagine dans une cuillère en pain. C'est sûr. Gratiné. Ça amène une petite croustillante. Beurre à l'ail. Mmh. Et que ça me donne faim ce matin. Ensuite, le iPhone 10 qui vient de sortir. Tout le monde capote. Je capote mon iPhone 10. Wow, je l'aime non, je suis tombé en amour avec. J'aurais dû l'acheter avant. Blablabla. Tout le monde sait ça. Ouais, comme toi. Non. Donc, j'ai pas ça. Mais le nouveau iPhone 10 avec un case en jeans. Oh boy. Ouais, donc c'est un étui pour votre iPhone 10, bien sûr, par la compagnie britannique Mosevic. Fait de plusieurs couches de denain avec infusion de résine, ce qui donne donc un matériau durable, matériel, je pense, pour du tissu, hein. Matériau, c'est du bois. Mmh. En tout cas, durable, qui absorbe les chocs, qui est flexible, c'est parfait pour faire donc, c'est ça, c'est parfait pour un étui de téléphone tactile. C'est fait aussi, en plus, petit fait facteur intéressant de plus, c'est que c'est fabriqué à partir de denain qui provient de jeans recyclés. Donc, okay. On prend des jeans endommagés qui ont été jetés et on reprend ça, on reprend le tissu et on fait ça à la main avec différentes couches de denain pour faire un étui qui est absolument unique avec quelques petits boutons de plastique pour contrôler les boutons qu'il y a en dessous. C'est pas l'affaire la plus belle au monde. Les jeans, c'est beau, mais les petits boutons, je les trouve pas bien beaux. C'est sur le site web de Mosevic pour 50$ US environ. C'est disponible, je disais, pour l'iPhone 10, mais c'est aussi pour le 8, le 8 Plus, le 7, le 7 Plus. Et ça va être envoyé à partir du 27 novembre, juste à temps pour les fêtes. Voilà pour le premier bloc de 5 minutes de réponse. Là, j'ai envie de continuer ça dans quelques instants. Ben oui, mm-hmm. Certainement. Mais après avoir absorbé autant de produits, hein, on doit quand même se calmer un petit peu. Hein, on va faire comme au centre d'achat, laisser pareil. La musique jouer en arrière pendant c'est qu'on ça. Essaie nos gadgets pendant vraiment très longtemps. Voici Cold Specs et la pièce Wild Card sur Assemblage Rue. I'll be there for you. Don't know why. Specs avec Wildcard à Assemblage Requis. On prend une pause au retour. Plus de gadgets inutiles dans 5 semaines, ça ne devrait pas. On l'a à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour à Assemblage Requis, on se mercredi matin, 15 novembre 2017, avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans une demi-heure environ, on va voir Frédéric Simon pour parler d'improvisation avec Dans les coulisses de la Luître. Oui. Ça s'en vient plus tard, mais avant ça, je l'ai promis tantôt, une deuxième partie de Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. Existe, mais ça ne devrait pas, on l'a, la chronique qu'on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette juste après. Mm-hmm. Commençons avec la chose la plus stupide, mais quand même une bonne idée. C'est les smartphones connected microphone gloves. Avec votre téléphone intelligent, vous allez pouvoir faire vos appels en vous mettant directement le pouce dans l'oreille puis le petit doigt sur la bouche avec vos gants. Hein? Tu sais, là, pour avoir l'air de ce que t'avais de l'air quand t'avais 5 ans. C'est ça. C'est pour, sans avoir évidemment à exposer votre main au froid, vous allez pouvoir faire le signe de téléphone. Et il y a un haut-parleur et un microphone. C'est magique. 30$ canadiens pour ça. Pour avoir l'air, pour faire une joke une fois, tu sais. Ouais, c'est ça. Ensuite, Airbnb qui propose de passer la nuit dans une maison construite en Lego. OK. Une famille qui va avoir la chance de séjourner le temps d'une nuit dans cette maison construite à l'aide de 25 millions de briques Lego à Billund au Danemark. Hein? Wow! Merveilleux! Ouais, la maison Lego est une construction de 12 000 mètres carrés réalisée donc au Danemark à l'aide de pas moins de 25 millions de briques colorées. Elle se visite depuis peu. L'objectif étant d'offrir aux fans l'expérience Lego ultime selon le site officiel qui est legohouse.com. Billund qui a été la ville en fait où ont été inventés les Lego. Son emplacement n'est pas donc un hasard. Airbnb qui organise actuellement un concours permettant à une famille ou à un groupe d'amis d'un maximum de 4 personnes de passer la nuit dans la Lego House. En plus de la possibilité de dormir dans un lit cerné par des milliers de briques, une visite guidée en compagnie d'un maître constructeur qui donnera des conseils aux visiteurs en matière d'assemblage de Lego, un repas servi par des robots et de nombreuses autres activités. Ça devrait être pas pire, ça. Ça devrait être fun. C'est super coloré. Le concours est ouvert à tous les participants du monde entier. Il faut pouvoir se déplacer au Danemark du 24 au 25 novembre prochain. Ensuite de ça, on revient à quelque chose de mangeable. On a dit tantôt qu'on aimerait ça pouvoir manger notre bol et notre cuillère comme oui, cuillères, ouais. De pain, bien sûr. Mm-hmm. Ici, on a une boîte de chocolat, mm-hmm. mais la boîte est mangeable. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Edible Chocolate Box du chocolatier Charles Siegel. Super décadent, fait à la main. Ça contient 18 caramels fleurs de sel. Oh là là! Oh wow! La boîte elle-même est faite à la main de plus d'une livre de chocolat. C'est quoi? C'est mi-amer, je crois, bittersweet, quelque chose comme ça. Et le couvercle est moulé de chocolat blanc avec mm-hmm. un motif floral dessus, fait à partir de beurre de cacao naturel. Quel cadeau pour quelqu'un qui aime les choses sucrées et ceux qui veulent évidemment minimiser le gaspillage d'emballage. Oui, évidemment. C'est fait en chocolat. Hein? Ça a l'air tellement bon. Ensuite de ça, il y a pas mal d'articles qui marchent pas aujourd'hui. Il y a un site aujourd'hui qui veut pas. Mais bon, c'est pas grave. Continuons avec le tripod. Tiens, les maisons dans les arbres, c'est très populaire chez les enfants. Maintenant, imaginez votre propre maison dans les arbres, mais qu'on peut accrocher ça à l'intérieur C'est sur des barreaux. Un peu comme on a un Mac des fois à l'intérieur de la maison. Il y en a qui ont ça. Donc, le tripod est fait pour être facile à installer. Facilement, c'est gros, c'est massif, par exemple. C'est quand même assez massif. Il faut un grand salon. portabilité, je crois, exceptionnelle. Mm-hmm. Et puis, construction durable pour tenir pas mal n'importe qui dans le raisonnable. Design confortable. Et une nouvelle façon de relaxer, dit-il. Tripod Marie, la suspension d'un hamac et le luxe d'un genre de cabana style resort. Donc, allez voir ça, le Tripod, T-R-E-E-P-O-D. Parfait pour les animaux de compagnie aussi, hein. Pour vrai, ça a l'air d'une niche. Ben oui. C'est bon. C'est beau. C'est mignon. Ensuite, on a parlé de pilules dans la première partie tantôt. Là, on a une bouteille de pilule qui va vous rappeler de prendre vos médicaments et vous avertir si vous avez en fait déjà pris vos médicaments. C'est ça l'important aussi. Mais oui, on y pense pas souvent. Hein? Des fois, tu sais, bon, je sais pas, t'as quelque chose d'autre à faire, t'as apporté des pilules sur toi en sûreté en sachant que t'allais pas être à la maison à telle heure. Là, tu prends ta pilule, t'arrives à la maison, tu fais attends un peu, j'ai-tu pris ma pilule? Ouais. Bon, bref, c'est complexe. Pilsy. Est un petit capuchon de bouteille de pilule qui utilise le Bluetooth pour se mettre pour s'appairer avec votre appareil mobile et une application Pilsy qui va vous rappeler quand c'est le moment de prendre vos vitamines ou vos médicaments, bien sûr. Ça enregistre aussi quand vous prenez votre médicament et ça va vous avertir si vous essayez de prendre une autre dose avant que la prochaine dose soit due. Ce qui est très pratique avec les problèmes de mémoire, entre autres, ou si une personne donne des médicaments à un animal de compagnie ou à un humain, deux personnes feraient la même chose dans la même maison, c'est ce que ça voulait dire. Si, mettons, c'est pas les parents doivent donner une pilule à l'enfant et là la mère se demande hey, est-ce que le père l'a fait, puis là bon, t'as de la misère à leur joindre, je sais pas pourquoi. Ben là tu vas pouvoir le savoir. Pilsy qui est disponible donc pour avec un bouchon résistant aux enfants justement, ou un twist-off pour les vitamines. Chaque version coûte $49 pour un bouchon et une bouteille. C'est cher. Oui. Quand même, mais ça descend quand tu achètes plus qu'un article. Donc c'est sur pilsy.com, P-I-L-L-S-Y. Ensuite, le lait maternel. Mm-hmm. Le lait maternel, les gens ont différentes opinions là-dessus, mais il y en a qui pourraient peut-être trouver ça bizarre de le porter sur soi. Ce sont qu'est-ce que tu veux dire? Des bijoux avec du lait maternel à l'intérieur. Hein? Ouais, donc c'est un petit souvenir de vous pour toujours gardé dans un bijou. C'est spécial! Ouais, chaque morceau a un pendentif couleur crème fabriqué à partir du lait maternel de la mère. Mm-hmm. Pour 88$ canadiens encore. Ensuite, les fidget spinners, c'est bien à la mode en ce moment. On aimerait ça avoir quelque chose d'un petit peu plus... de combiner le présent du fidget spinner et le passé des jouets en bois, genre le Build Bucket ou je sais pas trop quoi. On va mélanger les deux en faisant un fidget spinner en bois. Oh boy! Ouais, donc c'est fait à... c'est marqué Wooden Crafted, donc je crois pas que c'est fait à la main, peut-être. C'est donc un spinner avec des rouages qui fonctionnent dans la vraie vie. C'est fait pour que, bon, une fois que tu tournes ça va faire un beau petit design super intéressant et calmant dessus. C'est fait avec des vrais rouages, comme j'ai dit, et les patterns s'affichent lorsque tu tournes le gadget. Donc c'est un jouet pour le bureau, voilà. Fidget spinner en bois. Justement, parlant de bureau, brûlez plus de calories pendant que vous êtes au travail. Vous savez peut-être qu'il y a une mode depuis quelques années de travailler debout. Donc, on a les Very Desk et autres de ce monde qui sont des petites tablettes qu'on met sur le bureau et puis la tablette elle-même peut lever et descendre, ce qui est moins cher. Ici, on a un bureau complet qui peut monter et descendre facilement. Mais c'est pas ça qu'on achète. OK. On achète la planche qu'on voit devant. Donc c'est la Wurfboard, voilà, qui est donc un tapis anti-fatigue qui est fait pour les gens qui utilisent un bureau debout. Donc le Wurfboard, c'est une plateforme d'air ajustable qui se contrôle donc de très très rebondissant à très très ferme. OK. Donc quand tu travailles debout, tu vas pouvoir avoir plus d'avantages de bénéfices en utilisant la Wurfboard, disent-ils. C'est fait pour régler les problèmes aussi d'avoir de la douleur aux pieds et aux genoux quand tu travailles debout trop longtemps. Quand tu es sur cette plateforme-là, ça donne envie, en fait, ça te force un petit peu à faire des micro-mouvements pour aider ta circulation dans les jambes. Le confort debout, oui. Et puis, selon les gens qui fabriquent la Wurfboard, vous allez brûler 32% plus de calories que lorsque vous êtes derrière un bureau debout traditionnel. Les Wurfboards viennent en différents formats pour votre grandeur et votre poids, entre 200 et $300 US sur Wurf.com, W-U-R-F.com, et c'est sur Amazon. Donc, Wurfboard. On revient au café dont on parlait tantôt. Vous aimez sûrement, oui, les pods de café. Il y a bien des gens qui aiment ça. Eh là là, ça sauve des vies, ça! Mais hein, et c'est souvent recyclable. Faut juste le faire, hein. Des fois, on saute par-dessus puis on les met aux poubelles. Faudrait pas. C'est ça. Mais bref, il y a des gens qui aiment pas le fait que des fois ça peut être du café qui a plusieurs mois à l'intérieur des pods. Et c'est pour ça qu'on a présenté ici les Cups Coffee Pods. C'est du café spécialisé, specialty grade, choisi à la main pour être le plus frais possible. Ensuite, ils font torréfier le café en petites batches et ils l'emballent dans des pods K-Cup, donc pour les Keurig, avant de livrer ça chez vous à l'intérieur de quelques jours de la torréfication. Et chaque livraison de 30 pods, ils vont vous envoyer aussi des verres complètement recyclables et des couvercles recyclables aussi, gratuitement. C'est en précommande sur Kickstarter en ce moment. Cups Coffee. Ouais, je sais pas, même si on recyclable les verres, t'as pas besoin d'autant de verres. Mm-hmm. Tant qu'à faire. Non, c'est vrai. Ensuite, votre animal de compagnie, votre petit chat, aime ça se faire flatter, hein? Mm-hmm. Il aimerait ça pouvoir se faire flatter même quand vous êtes pas là, j'imagine, hein? J'imagine. Ben oui, donc faites-le ronronner toute la journée avec ce masseur de face féline. No boy. La base ergonomique a un coussin dessus, des petits pics pour masser. Il y a une bande anti-dérapage. Et il y a un contenant pour l'herbe à chat. OK. Donc, ça fait absolument tout. Votre chat va être en extase devant ça, disent-ils, pour 33 $ canadiens. Vous n'aurez pas besoin de vous en occuper. Ben, au moins, quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes là, occupez-vous-en. Voyons donc, pauvre petit chat. Ensuite, on revient au breuvage un petit peu avec le Physics Original Portable Beer System. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le Physics, F-I-Z-Z-I-C-S Original, c'est le rêve, en fait, des amateurs de bière de microbrasserie. Donc, on nous dit que son design va aider à garantir d'avoir la mousse parfaite que vous voulez avoir dans une bière de microbrasserie. Tout ce qu'on a à prendre, c'est votre bière préférée et le Physics Original va faire le reste. C'est une technologie brevetée, disent-ils, qui est faite pour verser votre bière avec un dessus très, très crémeux, mousseux à chaque fois. Ça fonctionne sur pile et ça peut être utilisé partout. Donc, une solution pour ceux qui ont besoin d'une bière presque en fût. Voilà. Pas besoin d'attacher de nitro, de CO2 ou rien sur le physique, ça fait juste marcher tout seul. Ça a quasiment l'air trop beau pour être vrai. Mm-hmm. Physics Original Portable Beer System. Cool! Ensuite, vous êtes au lit et vous avez de la difficulté à trouver des nouvelles activités à faire. Oui. Tout en manque d'inspiration, la flamme est moins allumée qu'avant. Achetez-vous donc... Tu parles en couple. Ouais, j'imagine, je sais pas ce que c'est. Okay. Donc, on a ici des couvertures Twister. Oui. Ce sont des couvertures de lit, donc le drap contour, finalement, avec des cases, des ronds Twister, vert, jaune, bleu et rouge, et vous allez pouvoir jouer au Twister dans votre lit. C'est-tu pas merveilleux? Hein? C'est parfait. C'est tout ce qu'il y a à dire. Évidemment, fait pour être joué nu. C'est ça. 117 $ canadiens pour des draps avec des ronds dessus. Achetez-vous des draps blancs puis dessinez-les. Ouais. Bref, et puis... continuons avec un verre à vin où on nous suggère en fait d'imbiber l'alcool avec modération, sinon ça va renverser. Hein? C'est le Pythagorean Wine Glass, donc c'est un verre, une coupe à vin de blague, si on veut, inspiré par le mathématicien grec Pythagore. Ça fonctionne comme une coupe de vin normale lorsque remplie à un niveau modéré, mais ça va tout de suite faire tomber le contenu du contenant par le bas lorsqu'on le remplit, passer un certain point dans la coupe, tu comprends? Mm-hmm. Donc c'est fait évidemment pour exposer les vices des gens, hein, et leur dire de boire avec modération. Il y a une petite pipe cachée, donc un petit genre de tuyau caché à l'intérieur qui crée un effet de siphon lorsqu'on remplit la coupe trop, trop, hein? Mm-hmm. Bref, c'est supposé augmenter l'arôme du vin aussi. Je sais pas trop, il y a plein d'avantages à ça. Un bon petit... cadeau gag. Évidemment, une fois que le vin est à l'intérieur de la coupe, on verra pas la petite pipette à l'intérieur. C'est ça qui est la belle chose. C'est pour ça que c'est une belle petite blague. Donc voilà, pour le Pythagorean Wine Glass, disponible sur... c'est sur Hammacher Schlemmer. Donc, point. Hammacher, point. Voilà pour ce deuxième bloc de 5 personnes de répondre. Là, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Oui. On a compris le principe. Ouais. On fait ça habituellement, une fois par semaine. Quand on peut à Assemblage Requis. On est dû pour une autre pause. On a pris un retard en première heure, donc passons à ça et puis on revient avec plus d'Assemblage Requis au retour. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est toujours Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées en ce mercredi matin 15 novembre. Tania Baudin. Et Mathieu Plante aussi. Absolument, absolument. Maintenant, tiens, je vais te laisser faire un petit peu pour le prochain segment parce que t'es toujours intéressante quand tu nous parles, Tania. Ah, merci, c'est gentil. Donc voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain Tania Baudin. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Je sais que c'est intéressant, mais de quoi? Oui, bien, on va parler de santé, voire même d'aliments. On est un petit peu avant les fêtes, là. On est un mois et quart à peu près avant les fêtes. Donc, c'est le temps parfait pour vous de commencer à voir si vous ne voudrez pas changer quelque chose avant le gros festin des fêtes. Ah, changer votre vie? Changer votre alimentation, voir. Il y a certaines personnes qui prennent des résolutions après les fêtes, mais il y en a beaucoup aussi qui y pensent avant. Ouais. C'est-à-dire de vouloir se rendre quelque part avant de se goinfrer dans les grands festins, comme je le disais. Donc, certains veulent brûler la graisse au niveau du ventre. Certains veulent tout simplement faire attention à comment est-ce qu'ils vont manger. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. On va parler de brûler de la graisse au niveau du ventre, parce que comme ça, on va pouvoir se bourrer à la face rendu à Noël. Bon. C'est ça que ça va souvent, hein, le ventre. Exactement. Donc, si on veut brûler la graisse au niveau du ventre, bien, premièrement, il faut commencer par l'alimentation. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut éviter, voire même éliminer les éléments qui sont stock graisse. Donc, les sucreries, la nourriture qui va être dite industrielle, les espèces de biscuits apéritifs, les sodas et les aliments frits. Donc, ça fait beaucoup. Mais si vous voulez arriver au temps des fêtes avec votre nouveau chum ou votre nouvelle blonde ou tout simplement tout seul puis rayonner autour de la table, contrairement à votre ma tante ou votre cousine ou peu importe, bien, c'est peut-être le moment de s'y lancer parce que vous avez encore le temps. Donc, attention, on évite de consommer ce genre d'aliments-là, mais on n'élimine pas les graisses de notre alimentation. Okay. C'est très important. Le bon gras qui provient, par exemple, de l'huile d'olive, de l'avocat ou des fruits, c'est encore à privilégier. C'est ça qui va améliorer notre métabolisme pour pouvoir éliminer d'autres graisses. Donc, ensuite, on va surtout favoriser les aliments qui vont être brûle-graisse, comme par exemple le citron, le brocoli, la pomme, si vous pouvez, l'ananas, le poivron ou encore le son d'avoine. Donc, on va privilégier les aliments qui vont être riches en fibres aussi, comme par exemple les artichauts, les lentilles, la noix de coco, les céréales qui sont complètes. Ils sont bons pour le transit intestinal et ça va apporter une sensation aussi de satiété pour éviter de grignoter entre les repas. Donc, vous allez vous sentir vraiment là, comblé après avoir mangé un bon repas. Vous n'aurez pas nécessairement faim entre deux repas, tout dépendant de l'heure à laquelle vous mangez, là, bien évidemment. Sinon, on pense à aller chercher des collations qui vont être dans le même style, donc sans trop de sucreries à l'intérieur, sans que ce soit de la nourriture industrielle non plus ou encore des sodas. Un Red Bull, c'est pas une collation. Okay. Par la suite, ça fait des années et des années et des années que des médecins nous le disent, c'est pas nouveau, il faut boire de l'eau. Mm-hmm. C'est la condition aussi pour rester bien hydraté, mais aussi pour faciliter le transit intestinal, encore une fois, donc éliminer les toxines, éliminer le grignotage. Il faut absolument que vous buviez de l'eau. Il n'y a pas de règle sur la quantité d'eau à boire. On entend souvent parler, mais c'est parce que c'est vraiment très différent d'un à l'autre. Et ça dépend aussi de l'eau qui va être contenue dans ce que vous allez manger. Donc, allez-y un petit peu à votre guise. C'est sûr qu'on va essayer de s'en tenir à 1 litre d'eau par jour. Mais on conseille souvent aux alentours de 2 litres par jour. Donc, si vous êtes du type à manger beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup d'eau, c'est sûr que vous allez chercher cette eau-là ailleurs. Donc, voyez comment vous avez une alimentation déjà à la base. Et une petite astuce, bien, vous pouvez commencer votre journée par une eau tiède qui va être citronnée. Le top pour avoir un meilleur ventre et une meilleure digestion aussi. Ça va beaucoup aider avant les fêtes. Cool. L'eau, oui. Et le thé vert aussi. Donc, on veut s'abreuver de thé vert parce que c'est la boisson qui va nous aider le plus à justement réduire nos graisses au niveau du ventre. Donc, on sait qu'il y a plein de vertus santé là, quand même avec le thé vert. Le thé vert, c'est une boisson qui va être diurétique, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à drainer les liquides qu'on boit déjà. Et c'est aussi un bon brûle-graisse parce que notamment, il y a des catéchines qui sont à l'intérieur du thé et ce sont des molécules qui aident à lutter contre le stockage des graisses et à la théine aussi qui va booster les dépenses énergétiques de notre corps. Donc, le thé vert, peut-être alterner, si vous êtes du type café, là, alternez votre café avec un thé vert. Okay. Ça peut améliorer votre digestion. On va essayer d'arrêter la sédentarité. Donc, un rythme de vie trop sédentaire, c'est le meilleur moyen pour stocker les graisses au niveau du ventre. Là, on le sait, là, on est à un mois et un quart à peu près, un mois et demi quasiment, avant les fêtes. Donc, si votre mode de vie vous oblige à rester souvent assis, bien, il va falloir que vous sortiez, que vous bougiez un petit peu plus. Et la meilleure façon de commencer à faire tout ça, c'est de marcher le plus souvent possible. Donc, ensuite, vous allez pouvoir faire le point sur vos activités. Donc, si vous décidez d'aller jogger ou peu importe. Mais la base première, c'est de vous dire, bon, je vais aller marcher un petit 15, peut-être même un petit 20. Puis, si j'ai bien aimé ça, demain, je vais faire le double. Mm-hmm. Donc, voyez ça comme ça. Le sport, c'est évident que ça aide à être beaucoup moins sédentaire. Donc, vous avez aussi la danse, la randonnée. Et par exemple, à ce temps-ci de l'année, là, hier, j'ai discuté des activités qu'on fait souvent, qu'on va fermer la cour, tout ça. Ça compte. Ça compte comme du sport, sachez-le. C'est de l'activité physique. Vous dépensez de l'énergie en faisant ça. Souvent, ça va vous faire bouger aussi beaucoup à gauche, à droite. Donc, c'est à prendre en considération l'espèce de jardinage de ce temps-ci de l'année. Là. Fermez votre cour, fermez les plates-bandes. Ça rentre à l'intérieur de tout ça. Par la suite, un autre conseil pour pouvoir arriver au temps des fêtes en même temps que tout le monde, on va essayer d'éviter le stress, OK? Parce que lorsqu'on est stressé, on produit en grande quantité une hormone qui s'appelle le cortisol. Mm-hmm. C'est une hormone qui a la mauvaise réputation de faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Et si notre organisme en a pas besoin, bien, on va aller le stocker gentiment au niveau de notre petite ceinture abdominale et c'est là que ça devient notre mauvais ennemi. Donc, il faut se détendre et ça passe notamment par les points évoqués précédemment, une bonne alimentation, une bonne activité physique, le temps nécessaire pour dormir, sachez-le. Donc, on peut aussi s'aider de tisane, de méditation, de fleurs. Si vous aimez les fleurs, là, vous pouvez incorporer beaucoup de fleurs à votre environnement, à l'intérieur de chez vous. Ça peut aider à déstresser ou simplement aussi en passant plus de temps de qualité seul ou si vous êtes du type à être déstressé en étant seul, là, et que ça vous prend des gens autour de vous, bien, entourez-vous des bonnes personnes à ce moment-là. Pour le temps qui reste là, avant les fêtes, on ne veut pas nécessairement arriver non plus à Noël à être stressé comme ça n'a pas de bon sens, comme si on avait bu 142 cafés dans la même journée. Donc, à chacun sa manière de se détendre, mais il faut absolument se détendre si on veut arriver à perdre un petit peu de graisse au niveau du ventre. On parle de bouger plus. On a parlé d'aller faire de la marche, mais aussi si on est déjà actif. On n'a pas nécessairement le type sédentaire, mais on ne sait pas trop quel sport choisir. Bien, on va essayer d'axer et de privilégier le cardio, puis les exercices de renforcement musculaire. Donc, on peut par exemple s'inscrire dans une salle de sport pour bénéficier des conseils d'un coach sportif. Puis on le sait, un mois et demi avant Noël, parfois on va avoir des petits rabais. Et ça va peut-être aussi vous entraîner à garder votre espèce de résolution de la nouvelle année en marche par la suite. Sinon, on va essayer d'y aller avec des activités qui font brûler la graisse au niveau du ventre. Donc, par exemple, le rameur, qui est une activité en gym, le running ou la natation. Penser comme ça, ça va beaucoup aider. Puis quand on commence à perdre la graisse, bien on va essayer de renforcer les muscles abdominaux. Donc, on va faire des abdos. Ouais. Faites la planche aussi. Là, je parle pas de juste être effoiré sur votre sur votre plancher. Je parle de rester quand même là, un bon 1 à 2 minutes là, sur les coudes avant, sur la pointe des pieds aussi. Il faut que vous deviez, faut que vous soyez très, très droit. Mm-hmm. Donc, c'est la planche, mais ça va beaucoup travailler vos abdominaux. Sachez-le, vous allez probablement vous lever le lendemain matin, vous allez être mort. Vous allez avoir mal partout. Et sinon, bien, il y a toujours des petits sites internet intéressants là, qui nous montrent certains exercices faciles pour muscler les abdos. Cette belle petite recherche-là, ça m'a amené à une boisson que certains consomment beaucoup, pas nécessairement avant le temps des fêtes, mais qui est dite quand même assez santé. Et je me suis demandé, c'est quoi ça, cette affaire-là, du kombucha? Oui, ben oui. Parce que je suis peut-être pas la seule, tu sais, j'en consomme quand même pas nécessairement souvent, mais parfois. Quand même, oui. Et on se pose quand même assez rarement la question « C'est quoi ça du kombucha? » En tout cas, moi, c'est la première fois que je me pose la question. Donc, les boissons gazeuses sont de moins en moins populaires. Et c'est tant mieux parce que, encore une fois, un mois et demi avant les fêtes, qu'est-ce que tu vas faire aux fêtes? Tu vas boire, c'est sûr. Ouais. Donc, les gens qui se préoccupent de leur santé se tournent massivement présentement face à des alternatives qui semblent beaucoup plus bénéfiques et qui semblent beaucoup plus santé aussi. Donc, c'est là que rentre en scène le fameux kombucha. C'est une boisson qui est consommée depuis au moins 2000, mais qui vit une heure de gloire présentement, ouais, qui est assez incroyable. En fait, bien des gens, probablement comme moi, détestaient ça au début, mais en le buvant une fois de temps en temps, tu commences à dire « Ouais, c'est pas si pire » et t'as les avantages de la liqueur. Bien oui. Du pétillant, du goût. C'est ça, exactement. Donc, on se dit, c'est millénaire, c'est encore d'actualité. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, en fait, c'est en Asie de l'Est qu'on a commencé à consommer la boisson qui est constituée de thé sucré fermenté. Donc, ça apparaît ensuite en Europe, seulement au 20e siècle. Et le thé, c'est pas fermenté parce qu'il y a des micro-organismes à l'intérieur du côté de l'Europe. En fait, il s'agit d'une association qui va être symbiotique entre des bactéries et des levures. C'est donc qu'ils vont vivre ensemble, en harmonie, dans cette fameuse petite boisson-là. Et lors de la fermentation du thé, il se forme une espèce de champignon qui est en fait constitué de dizaines d'espèces de bactéries et de levures différentes, et c'est ça qui se retrouve à l'intérieur du kombucha. Dites-même, ça a l'air vraiment dégueulasse. Ça a l'air vraiment dégueulasse. On va y venir, ne vous inquiétez pas. On se demande, est-ce que c'est une simple boisson sucrée? Est-ce que ça remplace un Coke? Est-ce que ça remplace que c'est malsain, un finalement? Pepsi? Exactement. Donc, pour faire du kombucha, on va ajouter de 5 à 8 grammes de sucre par 100 millilitres de thé. À titre de comparaison, par exemple, une boisson gazeuse, ça va contenir 10 grammes de sucre par 100 millilitres. Donc, c'est quand même sucré. On se dit que c'est la moitié jusqu'à peut-être le quart. Ah. Par contre, dans le cas du kombucha, la fermentation va modifier le profil nutritionnel de la boisson. Les levures vont se nourrir de sucrose qui est ajoutée au thé pour le transformer en glucose et en fructose. Par la suite, les bactéries qui sont acétiques vont présenter et qui vont se nourrir à leur tour du glucose. Donc, on va essayer de former des acides à ce moment-là. Donc, plus le temps de fermentation va être prolongé de votre kombucha, moins la boisson va être sucrée. Elle va devenir beaucoup plus acide, voire même peut-être un petit peu vinaigrée. C'est un peu amer des fois. Ouais. Exactement. Parfois, selon je dirais le goût aussi, là, la saveur à laquelle vous allez le prendre, vous allez reconnaître ce petit goût vinaigré là. On se dit, c'est vivant, est-ce que c'est santé, est-ce que qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a des bactéries là-dedans, pas trop sûr, et ça m'effraie un peu. Bien, lorsque vous allez boire du kombucha, ça contient toujours des tonnes de levures et des tonnes de bactéries vivantes. Sachez-le, on a un engouement pour la santé de notre microbiote et pour les probiotiques. Présentement, il s'agit un petit peu d'un argument de poids pour l'industrie de dire que c'est santé. Les probiotiques, on le sait, ça aide à la digestion, tout ça. Mon amour pour les probiotiques grandit chaque jour. Exactement. Donc, ce sont des bactéries qui sont vivantes. par contre, on ne veut pas dire des bactéries bénéfiques à la santé. OK. Donc, c'est possible de ne pas dire pour le moment que le kombucha contient des probiotiques. Drôle de phrase. Je sais. On peut pas dire. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a des bienfaits des bactéries que contient le kombucha qui n'ont pas encore été prouvés chez l'être humain. Par contre, il y en a d'autres qui ont été prouvés. Mmh. Mais dire qu'un kombucha, c'est probiotique, on peut pas le dire présentement. OK, on n'est pas rendu là encore. On n'est pas encore là présentement, comme tu le dis. Donc, la boisson, c'est également souvent vantée pour des nombreuses propriétés, par exemple anti-cancer, détoxifiante, pour la perte de poids ou pour la santé de l'intestin et du foie. Malheureusement, encore une fois, il n'y a aucune étude clinique chez les humains qui a prouvé que cette boisson-là est réellement bénéfique à la santé. Donc, on se pose la question. On veut savoir si ça nuit. Si ça nuit pas, c'est correct. Ben, est-ce qu'on devrait boire du kombucha? Ouais. C'est ça la grande question dans tout ça. Même si la boisson ne présente pas nécessairement de bénéfices pour la santé qui sont prouvés par la science présentement, ça ne veut pas dire qu'il faut la délaisser pour autant. C'est une boisson qui va être sucrée, mais définitivement moins sucrée que du jus ou des boissons gazeuses. Okay. Donc, en soi, le kombucha, ça peut être bon parce que vous allez réduire votre taux de sucre. Oui. Point final. Si vous êtes pour boire de la liqueur, si vous êtes pour boire de l'eau, vous pouvez boire de l'eau. C'est ça? De l'eau pétillante ou peu importe. C'est d'ailleurs très simple de se procurer une souche de kombucha pour en faire soi-même à la maison. Ouais. Vous allez peut-être avoir un meilleur contrôle sur le sucre que vous allez y mettre. Et ça affecte le goût aussi. Peut-être que ça reste amer et vinaigré avec le sucre. Fait qu'imagine si tu ne mets pas de sucre. Ben, c'est ça. Il va falloir faire quelques tests c'est si ça. Vous le faites maison. Mais si, par exemple, on regarde du côté de Montréal, bien, il existe la Miko-boutique où justement on vend et on va livrer à travers le Québec, du kombucha de souche pour en faire soi-même à la maison. C'est une expérience qui est quand même assez intéressante. C'est à tester aussi si vous avez l'âme de faire vous-même vos propres choses. Et on peut dire que ça produit aussi assez de kombucha pour vous abreuver indéfiniment. Oh wow. Donc, vous allez en avoir pour votre argent, j'imagine. Et bien, c'est ça la vraie réponse. Est-ce qu'on doit boire du kombucha? On peut. Ça va de guise. Ouais. Ça va de guise, mais il n'y a rien présentement qui prouve que le kombucha, ça a des bénéfices santé incroyables. C'est pas magique, nécessairement. C'est pas magique. Mais c'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais. Et si vous voulez pas vous boire, par exemple, un Fanta orange bien sucré, ben à la place, prenez-vous un kombucha. Tout à fait d'accord. T'sais, de ce côté-là, ça va être mieux. Si vous avez ce besoin de sucre-là, avec de pétillant, de saveur qui va être différente aussi, par exemple, d'un eau pétillante, ouais. Bien, allez-y avec un kombucha, ça peut juste être bien pour vous. Et sur la page Facebook d'Assemblage Requis, bien, je parlais tout à l'heure de 7 petits exercices faciles là, pour les abdominaux. Je vais vous mettre ça sur la page Facebook. Et sur assemblagerequis.com. Exactement. Merci, Tania. Fait plaisir. De m'avoir converti au kombucha et pour ta chronique. Oui. Donc, Tania Isgolin, tu t'éteignes tous les matins à Assemblage Requis. On prend une pause. Au retour dans quelques minutes, ce sera Frédéric Simon en remplacement de Gabriel Béhoud pour Dans les coulisses de la Luitre. Restez là. Assemblage Requis aujourd'hui. C'est fou! 89.1 Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ce mercredi matin, oui, la moitié du mois de novembre est passée. On est le 15 novembre 2017 à Tania Bonin. Et Mathieu Plante. On l'a dit, dans quelques minutes, ça va être la chronique improvisation avec Frédéric Simon que je vois. Oui, oui. Je le vois. Moi aussi. Ouais. Ah, je suis pas tout seul. Non, t'es pas tout seul. C'est pas une illusion, Mathieu. Je pense avoir un problème. En fait, c'est pas un mirage. Tu diras, t'as des problèmes, mais celui-là en est pas un. Non, exactement. Voici The Soul Jazz Orchestra et Dog Eat Dog. Same system that's exploiting us, that is taking advantage of everybody. Now that's the whole story. You have those working with the system getting fucked by the system. You see, it's dumb. We all remain in the same system sold to us for generations. Since the Western society became the imperial power. Oh,

Oui, Frédéric, oui. Je vais faire la basse parce que j'ai pas de voix haute ce matin. La basse, on l'entend moins parce que l'intro est déjà pas mal basse. Je vais juste faire troubler aussi. C'est ça, c'est ça. Frédéric Simon qui est là pour remplacer Gabriel Béhoud aujourd'hui. Gabriel Béhoud qui est habituellement remplacé par Xavier McLeish, mais lui, il a pas vu le match lundi et moi non plus. Ça aurait fait une chronique vraiment boiteuse. Donc, on a comme sauveur notre super-héros local, Frédéric Simon, qui lui a vu le match. Oui. C'était le fun. Aux premières loges. C'était le fun. Aux premières loges. Sur le divan, toi? Sur le divan, toi. Ah, mais t'as le droit, parce que t'es le ghostwriter. Oui. Ça, c'est la personne qui écrit les résumés de match. Je l'étais cette semaine. Mais bon. Ouais, on cherche justement quelqu'un, si on veut commencer avec ça. Si quelqu'un veut se proposer dans la grande communauté universitaire, on cherche quelqu'un pour faire les résumés de match. Résumé de match, c'est tenir à jour le score sur ta feuille pour s'assurer que le co-animateur c'est, bien le bon, c'est bien le bon score annoncé à la fin. Exactement, on a bien de la difficulté avec ça, le score. Les règles sont compliquées, là. C'est un sport, hein, c'est un sport. Ouais. Bref. Donc, t'étais là sur le divan, voulant dire que t'as vu le match vraiment de très très près. T'as pu tout entendre, les behind the scenes de l'arbitre. Oui. J'imagine, qui était Vincent Rainville cette semaine. Oui. C'est ça? Et il y a eu beaucoup de pénalités. Il aime ça, lui, hein? Il aime ça, et je dois dire qu'elles étaient pour la plupart très justifiées. OK, c'est un match foufou? Un match un peu foufou, beaucoup d'improvisations qui se sont terminées par un « Mais qu'est-ce que je viens de voir là? » C'était quoi ça? Mais c'était drôle quand même. Ouais. Oui, un match d'ailleurs chaudement disputé, ça s'est terminé en prolongation. Oh, wow, j'ai manqué quelque chose, hein? On en discutera à la fin de la chronique. On va commencer par faire un petit résumé du match. Ouais. Ça a commencé assez drôlement avec une improvisation avec le thème « Le dévoilement mm-hmm. ». Les Rouges ont offert une espèce de prestation où Marc Lachance faisait une patère avec un genre de avec un genre de voile. OK. Évidemment. Et se marier avec Gabriel Béhoud, qui lui ne savait toujours pas que c'était une patère. Pauvre gars. Ouais. Mais ça a bien fini, le mariage a eu lieu. Okay. Oui, le mariage a eu lieu. Okay, et il a touché du bois à la fin pour que ça continue. Et le bois était la patate. Exactement. C'est de toute beauté, ça. La deuxième improvisation, le thème, c'était au poste. C'était un exercice de style. Okay. On aime ça, c'est différent d'habitude. Hein? Oui. C'est pas quelque chose qu'on connaît. Ça commençait un peu drôlement, encore une fois, avec une espèce de scène du quotidien où un couple regardait la télévision, du genre Occupation double, ou La Voix, ou des choses du genre. Des affaires grand public. Mm-hmm. Oui. Ça a rapidement dégénéré, parce que la deuxième version, c'était trois versions, c'était Roman Noir. À ce moment-là, les deux protagonistes, le couple, regardaient par la fenêtre et observait une scène dans laquelle, dans la ruelle, il y avait Karine Perron qui faisait une jeune blonde naïve qui se faisait courir après par un criminel en lui disant « Mais criminalise-moi! »« Criminalise-moi! »« Petit pot de beurre! »« Comme un petit pot de beurre risotto! » »« Oh mon Dieu! » Ça s'est terminé par « À la façon de Molière. » C'était le drôle de Molière. Ah oui. Difficile de représenter Molière dans ce genre de scène, mais c'était quand même très drôle. Ben c'est pour ça, exercice de style, on essaie de donner un petit défi aux joueurs sur la scène. Est-ce que c'était de refaire la même improvisation plusieurs fois ou c'était... Oui, c'était la même improvisation. On aime ça. La troisième improvisation, ça a été, je crois, une de mes préférées. Du côté des Rouges, on a usé de micro-séduction, dans le sens où Gabriel Béhoud parlait au micro dans l'oreille d'un joueur pour qu'il séduise une autre personne. Et en plus, on sait que Gabriel aime beaucoup parler au micro. Oui. Il se présente souvent au micro, puis à un moment donné, il voit que ça ne s'applique pas dans l'improvisation, puis il lâche le micro de façon tout à fait triste. J'aurais aimé ça parler au micro. Donc, Gabriel Lecomte était le joueur séducteur de cette improvisation-là. Il a fait des pogos et ben oui. Espérait avoir du pili sexe. Oh! Wow! Un bouquet de pogo, avoue que c'est convaincant quand même. Je trouve. Oui, quand même. Avec une rondelle d'oignon au doigt, là, pas. C'est ça. Pour le mariage. Ou des ringolos, tu sais. Ah, mais hein, moi, pour les petits doigts. Oui. C'est ça. Ça va loin, ça. Là. Du côté d'Orange. Commence pas les blagues de. Du côté d'Orange, on a affaire à une prestation du type Titanic des pauvres. Où ils étaient à bord d'un navire où tout allait mal et ils n'étaient pas capables de rejoindre personne. Donc, en fait, ils ont été capables de rejoindre un McDonald's pour prendre leur commande, mais pas. Oui, ils sont rendus partout. Tu peux faire livrer ça. Uber Eats. Le match, comme j'ai dit, s'est disputé chaudement. Ça a été rouge-orange. Ça a été serré jusqu'à la fin. Parmi les autres bonnes improvisations, l'improvisation quand, sous le pommier, où c'est devenu une guerre d'invention ou de création. Oui, oui. Alors que Newton affrontait Copernic et etc. Savoir qui avait inventé quoi. Un epic battle of history, là, comme ça, mm-hmm. comme sur YouTube. Une improvisation que t'aurais bien aimé au retour de la pause, c'était l'improvisation littéraire. Surprenamment, tu me dis que ça aurait été celle que j'aurais préférée, c'est ça? Oui, parce que Vincent Réville a ajouté une catégorie à cette improvisation-là. J'aime ça. L'improvisation placement de produit. Oh wow, ok. Ça, là, faut une twist à l'impro littéraire une fois de temps en temps. C'est une bonne idée, c'était quoi, le placement de produit? Donc, les joueurs devaient effectivement faire comme s'ils présentaient des produits tout au long de l'improvisation. Oh, genre, j'utilise ce fusil de marque telle chose. Et, parce qu'il y avait, j'imagine, un aspect patriote à l'impro littéraire, non? Non, même pas. C'était, non. Le livre, c'était Dérive de Biz. Ah, bon. Donc, cool. Mais effectivement, on plaçait des produits de toutes sortes. C'était assez comique. Sinon, j'ai dit qu'il y avait eu beaucoup de pénalités. Oui. Il y a eu même eu un joueur d'expulsé. Ah, j'ai entendu parler de ça. Ça circule sur les réseaux sociaux, justement. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas là matin. Peut-être. Gabriel Béhout, à l'improvisation 13, s'est vu indiquer la sortie. Ah, donc à la toute fin presque du match. Presque 12, à la 13, toute fin. Ouais. Il restait qu'une seule autre improvisation après. Il a reçu ses deux pénalités personnelles sur cette improvisation-là. Wow. Pour cabotinage et retard de jeu personnel. Quelle sorte de cabotinage? Je me rappelle pas. Non. Ah oui, je me rappelle très bien. En fait, aussi. Parce que je me suis écrit dans mes notes « What the fuck, le camping? » Il y avait une scène, c'était une centaine de caucus où deux personnes faisaient l'improvisation et Gabriel faisait juste passer des commentaires par-dessus la bande qui était moyennement drôle et qui retardait effectivement le jeu. Genre, il était pas officiellement en train de jouer sur l'improvisation, il était à l'extérieur et faisait des commentaires ou il était sur la bande dans l'improvisation en tant que tel? C'était borderline. Okay. C'est ambigu parce que semble-t-il qu'il était au camping, mais qu'il y avait un public pour les gens qui faisaient le camping. OK, comme un feu de camp. Comme toute la famille Tanguay, semble-t-il. Ah. Et il devait faire partie de cette famille Tanguay. Ça doit avoir du sens dans sa tête, hein, lui. Sûrement. Personnalité multiple, c'est Gabriel Béhoud. Et oui, ça s'est terminé par la marque de 7-7. 7-7. Sans les points de pénalité, donc 9-9. Ah! Les pénalités ont juste remis le score à égalité. D'habitude, les pénalités auraient pu faire gagner une équipe. Mais non, 7 pénalités de chaque côté. Et c'est sans compter les deux pénalités de Gabriel Béhoud parce qu'ils ont été retirés. Ah ouais, ça, c'est la règle encore plus compliquée qu'on pense. Là. Ouais. Mm-hmm. Donc, ce sera un total de 16 pénalités dans ce match. Wow. C'est pas rien. Donc, les fusillades se sont avérées à l'avantage de l'équipe des Rouges. Donc même si, là, Gabriel t'es plus là. Une fois Gabriel qu'il est expulsé, il peut pas jouer à la prolongation. Marc Lachance a fait deux participations aux fusillades. Voilà. C'est une règle que je pense qu'on a. En tout cas, moi, j'avais jamais vécu. Il me semble que si quelqu'un est expulsé puis qu'on va en prolongation, la prolongation, elle compte dans le match. Oui. Même si c'est une prolongation. Mm-hmm. Ouais. En fait, semble-t-il, s'il y a une pénalité pendant une prolongation, le point va automatiquement à l'autre côté. Ça, j'entends dire, ouais. C'est particulier, ça aussi, mais c'est une bonne idée. Ça finit plus vite. Oui, c'est un peu triste pour le public. Oui, effectivement. Parce qu'il n'y a pas de vote à la fin. C'est déjà produit à la lutte. Ça me dit quelque chose. Parce qu'on avait fait un match spécial contre le Mythe. Ouais. Et j'étais sur scène pour ce match-là. Et Gabriel Béhoud ne s'était pas présenté assez rapidement pour les fusillades. Ce qui fait que l'arbitre, c'était Rémi Francœur ce soir-là. Retard de jeu. Ça finit là. Badaboum, victoire Mythe. Aïe, aïe. Ouais, c'est vraiment enlevant. Ça, c'est assez fort comme moment. Bref, des éventualités comme ça qui sont prévues dans les règles, mais qu'on vit des fois juste une fois ou qu'on attend de vivre un jour. Mm-hmm. Mm. Parfois, les arbitres sont juste un peu chicken pour donner cette pénalité-là un aussi. Petit peu. Il y a des arbitres aussi qui donnent des pénalités, on a déjà dit, qui sont supposément des jokes qui auraient pu affecter le score de la semaine, de là deux semaines, je pense. La semaine passée, je pense. Oui, peut-être. En tout cas. Les étoiles du match, peut-être? Oui, étoiles du match. Du côté des rouges, l'étoile est allée à Karine Perron. Mm-hmm. Du côté des oranges, à Marc-André Marion Flamand. Et l'étoile de l'arbitre a été remise à Alexandrine Pichessi. Hey, cool! Et l'arbitre de moi, à toi, parce que t'as pu venir faire la chronique au lieu de Gabriel Béhoud. Oui. Qui donc que je dois remercier en ce moment? Alex Marchand, qui a animé à ma place. Oui. Avec Stéphane, lundi soir. Très bien fait ça, d'ailleurs. Ouais, apparemment qu'on a parlé du célibat de Stéphane. Oui. On apprend à le connaître avec le temps. Il s'est fait une espèce d'annonce Tinder publique. Ah. sans être sur Tinder nécessairement, mais il a lu sa description. Qui... Ah ouais. Bref, ça va recommencer lundi prochain avec un tout nouveau match. Oui. C'est lundi à 20h, bien sûr, à la Chasse-Galerie. On parle du 20 novembre. Qui joue? Les Verts, entre autres. Okay. Parce que je ton suis équipe, là. Ben ouais. Les autres, on s'en fout. On s'en fout. L'important, c'est les Verts. Et voilà. Donc, ça va être lundi à 20h à la Chasse-Galerie. Tu vas être de retour. Tu vas être là. Tout le monde va être là. Ça va être une partie de plaisir, comme toujours. Merci. Merci à toi. Hey. On retourne en musique. On s'en va entendre une pièce du palmarès francophone un petit peu. Ouais. Parce que des fois, on aime ça. On aime ça varier. On adore ça. On adore varier les langues. On n'a pas encore de palmarès espagnol, donc on doit se contenter de l'anglo et du franco. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. On écoute Sleazy avec Rave Melancholy. À Assemblage Week. musique, ouais, ça me fait serrer les dents. J'aime la musique, ouais, je danse avec mes tourments. Mon cœur est lourd au rêve mélancolique. Et toi, t'as l'air d'un junkie. C'était Sleazy avec Rave Melancholy. Ah, ça, on a vécu une autre pièce longue, mais on se le permet aujourd'hui parce qu'on on manque d'équipage. On n'a pas deux nos chroniqueurs. Trois, en fait, si on compte que Gabriel Béaud n'était pas là. David Ferron, qui ne peut pas faire la chronique Zone Campus aujourd'hui. Et tu m'as fait recomprendre, réaliser le fait qu'on a Alex Marchand habituellement le mercredi. Exactement, mais il ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc il était là lundi. Voilà, ça fait un gros trou. Habituellement, notre mercredi est rempli d'un bout à l'autre. On a à peine le temps de mettre de la musique, donc on se gâte quand on peut. Après la pause, on va faire les instructions d'assemblage. Restez là. Aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Je l'ai testé 5 fois avant, je l'ai testé je avant. Je sais, on a tout testé. On a tout testé pour que ça marche. Vous êtes de retour dans l'émission matinale Assemblage Reiki. En pièce particulièrement détachée dans ce cas-là. Hein, très détachée ce matin avec Tania Bourdin. On prend toutes les précautions du monde, moi, Mathieu Plante, pour que ça fonctionne, mais des fois ça fonctionne. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. On a assez entendu musique pour l'instant. Je pense, pour le reste de l'émission, on peut y aller en contenu. Ça dérange pas trop. Ben oui, non, vas-y. On va y aller avec une chronique où on se donne des conseils de vie. Oui, je sais, c'est très ironique. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage, donc, où on donne des conseils que vous pouvez suivre si vous le voulez bien. Nous, la plupart du temps, on les suit pas parce qu'on n'est pas super sages. Non, c'est ça, exactement. J'ai pris le temps de faire le ménage là-dedans pour prendre que des choses qui ne vont pas nous rendre déprimés en novembre. Commençons en fait avec un petit conseil pour notre public anglophone. Des gens, des fois, qui aiment lire les articles en anglais. Toi et moi, on le fait souvent, donc on ne doit pas être les seuls. Je veux dire, on est un bon échantillon. Je passe ma vie à faire ça. C'est ça, surtout du public universitaire où les gens regardent des séries sur Netflix en anglais. Je pense que on est en 2017, je ouais, pense. Ouais, c'est ça. Je pense qu'une bonne moyenne des gens lisent en anglais. C'est là, ça, on va pas faire semblant autrement. Bref, commençons par de la petite fiction qu'on peut lire rapidement dans le train, dans le métro, quand vous êtes en transport en commun, peu importe. Vous avez besoin de lecture, même passager dans du covoiturage, ça pourrait s'appliquer. Avec l'application Shortly sur iOS et Android. Donc, utilisez votre temps passé à absolument rien faire dans le transport en commun pour quelque chose d'intéressant, de pertinent, d'éducatif peut-être. Des fois, ça peut être difficile de focusser sur de longues lectures. Il y en a qui amènent un livre, j'en vois des fois, mais moi, je trouve ça trop compliqué, même quand c'est mort derrière moi. Je le faisais dans le métro à Montréal avant. Tu perds pas le fil? Non, pas tant. J'étais quand même assez bonne pour ça. Ouais. Mais ça me prenait des écouteurs. Oui. Je peux pas faire ça juste en ayant le bruit derrière. Exactement. Et moi, je trouve ça difficile à 5 minutes ou 10 minutes de transport de lire un livre, puis après ça, savoir où t'étais rendu la prochaine fois. Je recommencerai tout le temps au début du chapitre. Bref, ça peut être compliqué. Shortly présente de courtes histoires qui sont exactement de la bonne longueur pour votre voyage. Donc, Shortly, c'est sur iOS et Android. Ça prend les articles les mieux cotés sur Reddit dans /r/writing prompts. Donc, c'est une communauté de courts textes, des nouvelles. Pas des nouvelles de l'actualité, mais des nouvelles, comme quand on parle dans un livre, il y a une nouvelle, comme un genre de petit roman, une œuvre de fiction, habituellement. Donc, ça va être intéressant. Vous allez pouvoir vivre une aventure au complet en seulement 5 minutes. Ça se fait bien. Shortly, on choisit entre des histoires d'une minute, 3 minutes ou 5 minutes qui proviennent de la communauté. Et vous pouvez, bien sûr, écrire vos propres nouvelles sur l'application. Sur l'application? Ouais. Sur l'application, ouais. Peut-être pas sur l'application, mais quand même. Donc voilà, Shortly, c'est le nom de l'application. Ensuite, une autre application, c'est Lazy Jar, qui vous fait payer littéralement quand vous sautez votre workout, votre entraînement. Tu m'as déjà parlé de, je crois que c'était Diet Bet, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en avait une application de perte de poids ou d'entraînement? Oui, mais il y en a plein. Il y en a plein. Ben justement, il y en a une de plus, Lazy Jar. Une application qui va avec votre Fitbit, en fait, pour ceux qui ont un Fitbit, et ça vous fait payer de l'argent chaque fois que vous manquez votre but d'entraînement pendant votre semaine. Oui, je sais, ça va coûter cher. C'est pas la première application à avoir cette idée-là. Il y a Gympact aussi qui existe, qui vous charge lorsque vous ratez vos buts et qui vous récompense, en fait, quand vous atteignez vos buts. La différence ici, c'est que la seule récompense, c'est pas de l'argent, c'est votre bonne santé. Donc, il y a seulement... Vous allez seulement payer lorsque vous n'avez pas atteint votre but comparé à l'autre qui va vous faire aussi des récompenses quand vous l'avez. Bref, Gympact qui a fermé depuis, on dit que ça a plus tard été appelé seulement Pact et que ça a pété en flamme parce que les gens n'arrêtaient pas de se rendre à leur but alors que ben, probablement qu'il les manquait, mais ils disaient qu'ils s'étaient rendus. Donc finalement, ils devaient comme $1 million et ils n'ont pas réussi à payer tout cet argent-là. C'est pour ça que Lazy Jar, ça risque moins de tomber parce qu'ils n'ont pas de récompense à donner, donc ils n'ont pas d'engagement financier là-dedans. C'est un programme de 6 mois qu'on doit suivre. Des buts par rapport au pas, aux kilomètres, miles parcourus, les calories, les minutes d'activité par semaine. Évidemment, tout ça va être confirmé par votre Fitbit, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'entrer de données tant que ça. T'sais. OK, ouais. C'est pas mal plus facile à faire. Mais c'est pas mal plus fun aussi. C'est ça, pas mal plus fun. Bref, Lazy Jar prend un dépôt remboursable de $30 au début de ces 6 mois-là que vous allez recevoir. C'est un peu comme, le $5 pour ouvrir un compte chez Desjardins. Hein. Ils vont vous le redonner si vous fermez votre compte. Là, c'est un peu la même chose. Ils vont vous le redonner de toute façon après les 6 mois que vous ayez atteint vos buts ou pas. Et en même temps, là, 6 mois, tu te rappelles pas du $30 que t'avais donné. Donc, c'est comme une récompense. Quand on y pense, mon cerveau marche de même. Pour les pénalités, c'est... Son cerveau marche bizarrement. Tu sais, je prévoyais dépenser un certain montant, finalement, je dépense moins. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, je fais de l'argent. Ouais. Avec le gadget que je m'achète. C'est ça, je fais de l'argent. Tu l'es pas vraiment, mais donc, le montant que vous allez avoir comme pénalité, ben, c'est vous qui choisissez. En fait, vous pouvez choisir une perte de 1$ par semaine, ce qui pourrait vous coûter 26$ sur 6 mois, ou sinon 5$ par semaine, ce qui donne 130$ sur 6 mois. C'est beaucoup. Lazy Jar qui donne 80% de votre perte à une œuvre de bienfaisance. Pour l'instant, c'est St. Jude's Hospital. Vous pouvez pas encore choisir. 20% pour faire fonctionner l'application et pour garder le service actif. Donc, vous avez besoin de motivation Lazy Jar. Et peut-être pour vous sur iOS et Android. Ensuite, on vous suggère, dans un autre ordre d'idée, de vous couper les ongles après avoir pris votre douche ou votre bain. C'est un conseil que, en tout cas, que j'utilise depuis toujours, mais que j'imagine que... Ben moi, ça vient naturel, là. Ouais, ben c'est ça. C'est le bon moment pour le faire, mais il y a des raisons derrière ça aussi. OK. Ouais. Couper ses ongles, particulièrement les ongles très épais, comme ceux des gros orteils, ça peut mener à une performance acrobatique des fois avec des ongles qui revolent partout. Mm. Mais vous pouvez empêcher ça, en fait. Les ongles sont peut-être durs, mais lorsqu'ils ont été trempés dans de l'eau chaude, ils deviennent un petit peu plus malléables. Ah, OK. Ouais. Donc, si t'attends de faire ça après ta douche, tes ongles vont juste doucement tomber de vos doigts dans une pile à la place d'essayer de s'échapper dans votre salle de bain ou votre salon ou peu importe. Donc, essayez ça si jamais ça vous intéresse. Tu peux le virer à l'envers. C'est dégueulasse. Non, non, quand même pas. OK, fieu. Quand même pas. Mais j'avoue que j'aime mieux les coupe-ongles avec la lame droite oui. que la lame courbée. J'aime pas la lame courbée. Non? Ouais, OK. Tu peux comme choisir ta forme. Oui. C'est vrai. Ensuite de ça, on change encore tellement d'affaires, là. On s'en va dans les airs, un petit peu, on s'en va en l'air avec des vols d'avion. Quand vous partez en avion, des fois, vous avez peut-être envie d'écouter un film. Oui. C'est difficile de se concentrer des fois, peut-être même que votre vol est pas assez long pour le film au complet, ou peut-être que vous êtes déconcentré par tous les gens qui écoutent d'autres films autour de vous. Ça peut être difficile. Bref. Les films qui sont disponibles en avion, des fois, ben tu veux pas les écouter au complet, hein? Tu veux juste entendre, tu veux juste voir la chose importante. Oui. Donc l'optimal, c'est la fin du film. Oh. On dit de timer, en fait, pour vous divertir le plus possible, de regarder les 10 à 15 dernières minutes de plusieurs films. OK. Pourquoi pas? Ben oui. Et à la prochaine fois que quelqu'un va vouloir te faire une conversation sur un film, elle t'a demandé est-ce que t'as vu ce film-là? Ben oui, c'est le film où, et là, tu racontes quelque chose qui est important et pertinent à la fin du film, pas le punch, évidemment. Ben non, ben non, ben non, faut pas. Donc tu vas au moins avoir une petite éducation personnelle. Écoutez les 10-15 dernières minutes de film en avion. Ou ailleurs, en train. Oui. Ensuite, en métro. En métro, on pourrait continuer. Dans l'autobus. Dans l'autobus. Dans le taxi. En taxi. avec la poussette, non, ça marche pas. Non, je pense pas. Sûrement pas. Est-ce que t'as de la difficulté des fois à entendre un appel téléphonique? Des fois, tu fais comme, voyons, mais le téléphone n'est pas encore assez fort. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça dépend. Ça dépend. Il y a les appels que je veux pas entendre. Et il y a les appels que j'entends pas. Oui, Mastercard, j'entends pas. Je suis désolée, ça griche. Dans un tunnel, je suis en avion, je suis dans le train, je suis dans l'autobus, le taxi, la poussette. Bref, évitez les téléphones, les appels téléphoniques. Oui, ça arrive nous-mêmes des fois. Bon, on a de la difficulté. Mais on dit que 37,5 millions d'adultes aux États-Unis ont un problème d'audition. Et le National Institute of Deafness and Other Communication Disorders. Je suis persuadée, j'en ai un, parce que là, tu vois, je viens d'enlever l'écouteur droit. Puis t'entends plus rien. J'entends rien de la gauche. Ah, ça fait peur, hein? Ouais. J'avoue qu'on a tous une oreille plus forte que l'autre. Ouais. Tu sais, si tu me parles à ma gauche, je vais plus t'entendre qu'à ma droite. Même avec des écouteurs, là, si je les mets juste à gauche, là, j'entends pas grand-chose. Je sais plus. Des fois, on a l'impression, puis c'est peut-être juste l'oreille qui est plus bouchée que l'autre. Probablement. Bref, on dit qu'environ, selon cet institut-là, que je répéterai pas le nom parce qu'il y avait comme 6 mots, c'est 28,8 millions d'adultes aux États-Unis qui pourraient tirer profit, en fait, qui pourraient être aidés dans la vie s'ils avaient un appareil auditif. OK. Il y a des personnes qui vont même éviter les appels téléphoniques parce que c'est difficile à entendre et il n'y a pas de signes visuels. Des fois, quand tu as de la misère à entendre, comme dans un bar, tu vas lire un petit peu sur les lèvres sans trop le savoir. Tu vas entendre le texte qui est dit, les mots, mais les lèvres vont t'aider à comprendre. Certains mots, moi en tout cas je le fais sans même me rendre compte. Je suis très bonne pour lire sur les lèvres. Ouais, donc une nouvelle application de téléphone. Ouais, faites attention. une nouvelle application pour téléphone intelligent, donc rend ça plus facile pour ces gens-là. On dit que c'est pas juste une question d'oreille, c'est une question de cerveau aussi. OK. Donc on nous dit que les appareils auditifs vont pas seulement monter le volume du son que vous voulez entendre, ils vont en fait rendre tout autour plus fort. Et si tu augmentes le volume pour entendre quelqu'un qui chuchote à côté de toi, ça va pas t'aider parce que tu vas aussi augmenter le volume de la sirène qui est en arrière, de la vaisselle en train de se laver au bar. Donc, les aides auditifs, les appareils, c'est pas super bon pour améliorer un appel téléphonique. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il existe Sonic Cloud, qui remixe l'audio de votre téléphone pour optimiser la voix de la personne de l'autre côté. Donc, développé par des audiologues, ça donne donc, c'est supposé en fait vous aider là-dessus. L'application peut changer aussi le pitch. Si t'arrives pas à entendre trop bien les basses ou les hautes fréquences, des trucs comme ça, ça va rendre ça plus facile. Par exemple, dans des restaurants, ça peut donc ajuster le son que vous entendez moins pour l'entendre plus. C'est un service par abonnement. Ça coûte 10$ par mois. Sonic Cloud est disponible seulement sur iPhone pour l'instant. Ce qui me surprend, parce que d'habitude, les affaires comme ça qui profitent des aspects comme le micro ou l'écouteur, c'est seulement sur Android parce qu'Apple ne le permet pas. Mais apparemment, si Apple le permet, et on peut s'inscrire pour avoir une version Android éventuellement. C'est sur soniccloud.typeform.com. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui en ont besoin. Faites juste écrire des messages textes. Mais bon. Des fois, les gens, ils veulent absolument appeler. Ouais. Ça fait des mois que j'ai pas appelé personne. C'est peut-être moi le problème. Ensuite, on apprend de la part d'un philosophe qu'est-ce que ça veut dire d'être awesome. Ah, la grande question La grande question. Des fois, tu sais, on se dit, bon, est-ce que je suis awesome ou est-ce que je suis nul? Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire être awesome? Donc, il y a un philosophe qui nous parle d'ouverture d'esprit lors de situations sociales. Comment est-ce qu'on peut décrire subjectivement... Ouais, c'est ça. Subjectivement, ça c'est facile, si quelqu'un est awesome ou nul. Nick Riggle, un ancien pro skater qui a un diplôme en philosophie de l'Université de New York, croit avoir la réponse dans son livre qui s'appelle « On Being Awesome, A Unified Theory of How Not to Suck ». Bon, merveilleux. Wow. Donc, on dit que t'es génial, t'es awesome lorsque t'es confortable en étant toi-même et que tu fais que les autres se sentent confortables autour de toi. Donc, c'est une question de laisser les gens être... de vivre, laisser les gens vivre et être bon dans des situations sociales, c'est ce qui fait que t'es awesome. Et être nul, donc how to suck, quelqu'un qui est nul, c'est quand il rejette une ouverture sociale ou une amitié ou une conversation, ben tu vas te faire dire que t'es nul. Ah wow, hey, y a la grosse philosophie toi, Jose. Tu sais, il y a un diplôme. PhD pour ça. Il y a un diplôme. Écoute, je suis désolé là. Ouais. Donc, ça s'appelle être prétentieux, être rabat-joie. Donc, être nul, c'est quelqu'un qui se prend pour un autre, des fois. C'est ça. Mais bref, être awesome, c'est être ouvert aux autres. C'est être logique, finalement. C'est être très logique. On a parlé d'audition tantôt. Changeons un petit peu pour parler de musique. Tiens. Mm-hmm. Si tu veux entendre... comment ça sonne un style de musique? Tu as différents styles de musique qu'on entend. T'as Alex Marchand, le mercredi, qui nous dit tout le temps « Bon, ben ça, c'est du trap, hip-hop, jazz, fusion. » Donc, ben, y a un site qui s'appelle Every Noise at Once. Mm-hmm. Quand tu charges la page dans ton furteur, on va t'accueillir avec un gros mur de liens bien colorés. Chacun représente un genre de musique différent, que ce soit de la pop taïwanaise, du dark side trance, du Danish jazz, du vapor twitch, du Brazilian gospel. Hey, hein? Des termes qu'on n'avait pas encore entendus. Pourquoi? Parce qu'il y en a 1500 et plus de ces genres-là. Ils sont apparemment, en guillemets, tous là. Hein? Si on passe la main, la souris en fait sur un genre, on va recevoir un exemple d'artiste et de chanson qui est dans le fond un bon représentant de ce genre, de son-là. Et si tu cliques dessus, ça va même jouer l'échantillon. Ben, quand tu descends, tu as des styles musicaux un petit peu plus, on dit, organiques. Vers le haut, c'est plus mécanique et électronique. À gauche, c'est plus dense, c'est plus atmosphérique. Et à droite, c'est plus bouncy, genre accrocheur. On va en essayer une coupe. Tiens, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est le happy hardcore? OK. Tu sais, c'est ce qu'on veut savoir, du happy hardcore. Qu'est-ce que c'est? Clic, clic. Ploup, ploup. Clic, clic. Allez. Pourquoi tu joues pas? Ça te tente pas? Je pense que ça te tente pas de jouer. C'est dans mes poches. Hein? Voyons, non, tu parles d'une affaire. Toi. Pourquoi je parle de ça si ça marche pas? Hein? On va enlever le bloqueur de publicité, voir. Ça serait le fun, quand même. Ben ouais, ça serait plaisant. Ah! Ah! Pas payé. Ça, c'était du... du happy hardcore. OK. Qu'est-ce que c'est? Du glitter trance. Pour le fun, du glitter trance. OK, c'est... C'est plate, je trouve. Ça passe pas grand-chose. Tu peux chercher par artiste, mais t'as pas l'air de pouvoir chercher par style musical. Ah. J'aurais aimé ça pouvoir chercher du trap. Mais... oh, est-ce que je l'ai? Oui, j'ai du electronic trap, du bass trap. Je vais essayer le electronic trap, voir qu'est-ce que c'est. On pourrait s'écouter du reggaeton tom. On comprend le principe, mais pour vrai, ça pourrait être vraiment utile dans la vie. Et vous pouvez faire CTRL-F comme j'ai fait pour taper un mot et trouver qu'est-ce que c'est, par exemple, du mash-up, mettons. Là, évidemment, je suis dans le même environnement. Comme j'ai dit tantôt, en haut, en bas, à gauche, à droite, les styles sont différents. Et là, j'étais dans la même portion. J'aurais pu bouger un petit peu pour varier. Hein. Je pourrais aller complètement au bas de la liste, en faire un dernier. Le dernier en bas de la liste, c'est du Deep Opera. Oh, wow! Donc, c'est généré par un algorithme. C'est ajusté pour l'aspect lisible, oui, pour pouvoir voir les mots correctement à l'écran. Donc, c'est calibré en termes de placement. Et vous pouvez aller voir ça sur everynoise.com. Pas pire, ça. Très pas pire. Intéressant. Everynoise.com, je vais retenir ça. J'aime ça. Donc, toujours dans les instructions d'assemblage. Et on se donne des conseils. En ce moment, c'est ce qu'on fait. On parle maintenant de productivité et d'améliorer votre focus en enlevant. Et là, les gens vont dire, mais voyons donc, on m'a dit faire le contraire. On m'a dit, mais moi, trois moniteurs devant moi, je vais être plus productif au travail. Exactement. On voit ça dans plusieurs environnements de bureau, deux, trois moniteurs à la fois. Mais pour améliorer votre focus, vous devriez avoir un seul écran. Ah, OK. C'est ce que c'est. Multiples moniteurs, les power users connaissent ça. Le développeur Corey House a découvert, après s'être débarrassé de son deuxième moniteur, qu'il accomplissait plus de travail. En fait, il a expérimenté avec un écran de 34 pouces large. Donc, à la place d'avoir deux écrans, c'est un très, très long écran de 34 pouces de diagonale par la compagnie LG. Mais il a trouvé que ça encourageait l'habitude de perdre de temps, de tout le temps être en train de niaiser avec les grandeurs des fenêtres, mettre ton Twitter, ton Facebook dessus, blablabla. Donc, il s'est débarrassé de ça et il a choisi un moniteur 4K, donc de super bonne qualité, 24 pouces, qui est exactement comme standard pour la distance à laquelle tu vas être, donc pas trop gros, pas trop petit, avec Virtual Desktop dedans. Donc, tu peux basculer d'un système à l'autre et avoir différentes applications sur un autre ordinateur c'est un ordinateur virtuel. Ouais. Ce qui élimine le besoin de tout le temps être en train de regarder les deux choses en même temps ou de tout le temps être en train de regarder à droite pour voir si ton Facebook a popé quelque chose. Mm-hmm. Il faut que tu ailles volontairement sur ton autre bureau pour aller voir l'application. Donc, il y allait un petit peu rétro, old school. Je trouve ça vraiment bien. Il dit que son bureau virtuel à gauche, c'est toujours son furteur, et celui à droite, c'est son éditeur, donc j'imagine son traitement de texte, peu importe. Donc, il traite ça comme deux écrans différents, sauf qu'ils sont pas les deux physiquement présents en même temps. Donc, c'est des bureaux virtuels avec un seul écran. Vous allez être plus focussé, selon cet homme, qui a sûrement un diplôme, lui aussi. Peut-être pas en philosophie, par contre. Ouais. Ensuite, on parle de citron. Oui. Ou de lime, ou comme les Français diraient, du citron vert. Hein? Du citron vert. Ta gueule, sérieux, c'est de la lime. Non, mais pas vrai. Oh, Mathieu! C'est pas des cranberries, c'est des canneberges. Sérieux. Sérieux. Bref. On rappelle que Mathieu n'est pas le grand fan. Pas fan des mots pris en je sais pas. Des mots par rapport que j'aime pas. Ouais. On parle de citron dans votre boisson, en fait. Mm-hmm. Tu savais, j'imagine que je t'apprendrais rien, mais le citron, c'est dans les bars très, très, très sale. Mm-hmm. Très, très sale. Donc, le petit bout de citron dans un restaurant, dans votre bar préféré, il n'y a personne, apparemment, qui lave l'extérieur des citrons. Et on lance ça dans votre verre, surtout après avoir manipulé de l'argent, touché au comptoir, touché aux fûts, qui sont sûrement super sales parce qu'il y a plein de gens qui ont touché à ça. Donc, selon le Huffington Post, il y a plusieurs études, ont découvert très, très beaucoup de plein de microbes sur les bouts de citron des bars et des restaurants. Donc, est-ce que vous devriez demander pas de citron, s'il vous plaît? Ben, seulement si ça vous dérange vraiment, selon le microbiologiste Philippe Tierno. C'est ce qu'il a dit à HuffPost. Donc, ces études-là nous apprennent qu'il y a des microbes dans pas mal tout, de toute façon, au restaurant, entre autres les menus. Je pense que, pour vrai, pas sûr qu'il a les menus. Ben, souvent, hein? À moins que tu renverses quelque chose dessus. Les bouteilles de condiments, les tables en tant que telles, peut-être. Donc, sauter le citron, c'est pas la façon la plus efficace d'éviter d'être malade. Mais bon, évidemment, quand on sait ce qui a touché encore plus, on dirait que c'est comme quand on sait, c'est pire. T'sais? Oui. Bref. On dit souvent, on a parlé à des gens qui travaillent dans des bars et dans des restaurants, plusieurs ont dit que les fruits coupés, en fait, restaient exposés pendant toute la nuit. Donc, ils sont pas tout le temps gardés au frais. Ensuite, allons-y avec la meilleure façon, on reste dans les fruits, la meilleure façon de laver une pomme pour consommer moins de pesticides. On sait, on t'écoute assez souvent pour savoir que t'es allergique aux pesticides des pommes, c'est ça? Oui. La pelure de la pomme. Exactement. Donc, que tu prennes tes pommes à la main d'un verger. Mm-hmm. C'est ça, local, où tu les achètes au supermarché, les pommes, ben c'est ça, c'est l'automne, hein, c'est pas mal la saison pour ça. Ça contient des pesticides, des résidus de pesticides, plus que n'importe quel autre fruit ou légume. Exactement. Si tu veux savourer donc une collation santé sans consommer ces produits chimiques toxiques, ce que tu devrais faire, c'est laver ta pomme en utilisant une méthode approuvée par la science. Mm-hmm. Donc c'est Time Magazine qui nous parle de chercheurs à l'Université du Massachusetts qui ont récemment mis 3 stratégies de nettoyage de pommes au test. Un des agents de nettoyage dans leur étude dans leur étude qui est publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, était du javelisant Clorox. Ouais, après avoir garni donc leurs pommes biologiques dans le pesticide thiabendazole et phosmet, ils ont lavé tout ça dans une solution d'eau et de javelisant, d'eau de javel. Donc c'est ce que les fermiers font en fait pour nettoyer les pommes avant de les envoyer aux distributeurs, c'est déjà ce qui se passe. Ils ont aussi plongé les pommes dans de l'eau. Juste de l'eau de robinet. Ah, OK. Comme plusieurs gens font à la maison, juste passer ça à l'eau, d'ici. Hein? Mais la méthode qui fonctionne le mieux, mm-hmm. attention, ce n'est pas ces deux-là. Entre utiliser des produits très très chimiques et juste les rincer, c'est donc, pour se débarrasser des pesticides, de les laver dans l'eau et du bicarbonate de soude. Mm-hmm. On dit donc que frotter entre... pas frotter. On dit de passer ça entre 12 et 15 minutes. On dit baking soda scrub. Donc, j'imagine que c'est la formule bicarbonate de soude et d'eau. J'imagine qu'on ne doit pas frotter pendant 12 à 15 oui. minutes. Oui. Faut frotter pendant 10 à 15 minutes. Faut vrai? Oui. 12 à 15 minutes? Wow. ça me tente moins depuis que je sais ça. Donc, ouais. ça va enlever pratiquement tous les pesticides, en fait, qui sont sur la surface d'une pomme. Vouloir dire que même l'eau de Javel... ne ferait pas ça. Exactement. Wow, t'étais au courant de tout ça. 12 à 15 minutes, ouais. Incroyable. Donc les pour chercheurs... ça, j'en mange pas. ouais, 15 minutes. Donc les chercheurs avertissent que votre pomme ne sera pas 100% sans pesticides de toute façon. Exact. La seule façon d'éviter de manger les produits chimiques donc qui peuvent se rendre en dessous de la peau, c'est d'enlever la couche extérieure et mm-hmm. ça va se débarrasser des fibres et des vitamines en même temps. Donc si vous êtes fan de pommes, on dit qu'on devrait essayer plus des pommes peut-être biologiques qui n'auraient pas été traitées par des pesticides ou sinon se conforter pour les gens qui ne sont pas allergiques par le fait que la plupart des pommes, la majorité en fait des pommes, ne contiennent pas assez de pesticides pour causer de vrais problèmes chez l'humain. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, continuons avec des affaires de téléphone maintenant. Oui. iOS 11, est-ce que tu as téléchargé le plus récent? Est-ce que tu non. peux sur ton nom? Tu n'as pas le droit. Hein? Oui, je pourrais, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Ça, parce que j'ai beaucoup de mes amis qui ont perdu tous leurs contacts en faisant ça. T'es-tu sérieuse? Mais c'est parce qu'il faut que tu fasses tes backups sur iCloud, ma chère. Ouais, voyons non. Ça prend 2 minutes. Hey, même l'iPhone 5C que j'avais temporairement, qui avait juste 16 gigs dessus, ça rentrait le backup sur iCloud. Fait que tu n'as pas vraiment d'excuses. Mm-hmm. Bref, comment éteindre les demandes de cotes? Sur les applications. Dans iOS 11, c'est nouveau. Tu peux bloquer complètement les permissions de demander « Hey, veux-tu nous donner une note sur tes applications? » Avant, les applications pouvaient te le demander une fois par semaine, tout le temps, ou plus. Donc, quand ça fait plusieurs heures que tu joues à un jeu, par exemple, il va y avoir un pop-up qui va arriver, qui va t'interrompre et qui va dire « Peux-tu me laisser des commentaires? Ça va nous aider? » Blablabla. Il y a une nouvelle option pour complètement enlever ça. C'est donc dans iOS 11, assez simple. On va dans Paramètres, on va dans iTunes et App Store. Et on met à off le bouton In-App Ratings and Reviews. Ça, sur la version en français, c'était... Qu'est-ce que c'était déjà? Eh boy! C'est dans... Qu'est-ce que j'ai dit? Paramètres? Ouais. iTunes et App Store. Ça mm-hmm. s'appelle Classement et Avis Intégrés. Donc, pour permettre aux développeurs et aux autres utilisateurs de connaître votre opinion en autorisant les apps à vous demander votre avis. Évidemment... les développeurs d'applications ont besoin de vos notes pour pouvoir avoir du succès. Donc peut-être des fois, une fois de temps en temps, laisser une note, ce serait pas pire. Mm-hmm. Mais bon, si vous voulez pas être agacé tout le temps, vous pouvez cliquer sur cette option-là. Justement, on reste sur iOS 11. Est-ce que tu savais que... Ben, en fait, tu savais pas parce que tu l'utilises pas. Mais quand tu vas dans le Control Center et que tu désactives le bouton Wi-Fi oui. ou le bouton Bluetooth, tout ce que ça fait, c'est que ça... déconnecte l'appareil qui est présentement connecté, mais ça éteint pas la possibilité d'utiliser du Bluetooth ou du Wi-Fi depuis iOS 11. OK. Même que depuis la version bêta de 11.2, il y a un petit pop-up qui te dit pourquoi et qu'est-ce que ça fait. Il y a plusieurs, facteurs qui doivent être activés pour que l'iPhone remette tout seul le Bluetooth ou le Wi-Fi. Par exemple, quand tu changes d'endroit, quand il est 5h du matin, heure locale, ça va automatiquement repartir le Wi-Fi. C'est comme fait pour déconnecter temporairement pendant que, je sais pas, comme moi, mettons, mon arrêt d'autobus est devant chez moi et il essaie de se brancher sur le Wi-Fi, mais il est pas assez fort. Donc, je déconnecte le Wi-Fi, mais aussitôt que j'arrive au bureau, je change d'endroit, poup, le Wi-Fi revient. Donc moi, je trouve ça super pratique, j'adore l'option. Mais sachez que c'est comme ça. C'est plus une désactivation pour désactiver le Bluetooth ou le Wi-Fi complètement parce que vous en voulez pas ou que vous voulez absolument être sur le LTE à ce moment-là et pour le futur à venir, il faut aller dans paramètres Wi-Fi et le mettre à off et pas seulement le bouton dans le centre de contrôle de iOS. Les détails sont dans l'article sur assemblagerequis.com. C'est la même chose pour le Bluetooth. La raison pour laquelle il laisse ça, c'est pour être plus pratique. Comme si, mettons, tu désactives le Bluetooth, mais que tu arrives avec une paire d'écouteurs Bluetooth plus tard, ben il va avoir réactivé ton Bluetooth. Okay. Tu n'auras pas besoin d'aller le réactiver toi-même. Ah, mais c'est une bonne idée. Moi, j'apprécie quand même la raison de ça. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que vous savez maintenant comment le désactiver. Le iPad a un nouveau clavier sur iOS 11. Et vous pouvez le désinstaller si vous ne l'aimez pas. En fait, si vous avez installé iOS 11 sur votre iPad, vous avez probablement remarqué, parce que c'est assez évident, la nouvelle caractéristique, la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle KeyFlix. Donc, Apple a pris le clavier normal, mais a ajouté les chiffres et les symboles par-dessus les chiffres, un peu comme sur un clavier normal. Des fois, il y a des symboles écrits dessus. Et maintenant, tu peux lancer la touche pour avoir un accent. Par exemple, le D est aussi le signe de pièce et le S est aussi le dièse. Donc, si tu veux faire un dièse, à la place de faire symbole et la touche, tu vas juste glisser le dièse vers le haut. À la place de faire un S, ça va faire un dièse. Ah, OK. C'est quand même une fonctionnalité qui est vraiment cool, je trouve. Je sais pas si ça va bien fonctionner, par exemple. Je sais pas. J'aimerais l'essayer sur l'iPhone. Je comprends pas que c'est pas encore rendu là. Peut-être que les touches sont trop petites. Mais bref, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. On peut le désactiver, si vous voulez. C'est dans Général, Clavier. Et puis, Enable KeyFlix. Donc, je sais pas c'est quoi sur en français parce que j'ai pas l'option dans mon iPhone. Mm-hmm. Mais Enable KeyFlix ou permettre le lancer des touches. Voilà, et votre clavier va revenir à la normale. Hey boy. Quand on parle de faire... On change tellement de domaine. Mm-hmm. Quand on parle de faire bouillir l'eau, est-ce que tu sais que ça veut dire de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute? Ah non, je savais pas. Tu pensais qu'il fallait juste arriver à bouillir et puis après ça l'arrêter. C'est ce que la plupart des gens pensent. Ha ha ha ha! Donc, c'est le Centers for Disease Control américain... Control and Prevention, pardon. Qui révèle, via un sondage qu'ils ont fait sur Twitter, que les gens pensent vraiment qu'il faut, en fait, faire bouillir plus longtemps que ça. La rumeur, les gens pensent à 42%, selon leur sondage, qu'il faudrait faire bouillir l'eau pendant 10 minutes. Moi, excuse-moi, mais si je mets mon chaudron rempli d'eau pendant 10 minutes, j'ai l'impression qu'il ne restera pas. Ben, ouais, c'est ça. C'est bon. 36% pensent qu'il faut faire ça pendant 5 minutes, 12% pendant 2 minutes et 10% pendant 1 minute. Donc, nous deux qui pensions qu'il fallait juste le rendre à l'ébullition et arrêter, on n'est même pas dans le sondage. Ah, ben mouge. Ça se peut super. On fait pitié. Bref, il faut démarrer le timer, le minuteur d'une minute, une fois que l'eau bouille déjà. Ça pourrait prendre entre 5 minutes et 10 minutes à partir de quand tu mets l'eau sur le rond, bien sûr. Et après ça, ben, c'est une minute à partir de quand ça bout. Voilà. Maintenant, vous le savez. Hein? On parle de boissons maintenant. Pourquoi certaines boissons rendent le lendemain de veille encore plus difficile? Mm-hmm. Le lendemain de veille, c'est pas facile, pas toujours. En tout cas, c'est souvent causé par la déshydratation. On a déjà fait des chroniques là-dessus. Oui. Une étude hollandaise a découvert que l'alcool plus foncé a tendance à... rendre les étudiants universitaires un petit peu plus hungover le lendemain que l'alcool léger. La raison, c'est que l'alcool est fermenté, ça crée Le sucre. C'est comment? Le sucre. Le sucre, entre autres, mais la fermentation de trucs chimiques à l'intérieur, font des saveurs intéressantes. La vérité, c'est que pour éviter d'être hangover le lendemain, la seule chose à faire, c'est de ne pas boire. Exactement. Ouais, voilà. C'est pas mal plate comme article, ça, finalement, mais j'avais choisi parce qu'il y en avait un autre après. Non, mais ah, OK. C'est ça, j'avais choisi pour avoir un bel enchaînement, puis finalement, mon article était super plate. Celui qui était le plus intéressant, c'est d'améliorer tes aptitudes, tes habiletés à parler une autre langue en buvant. Oh! Si t'es en train d'apprendre une nouvelle langue, parler, c'est la chose la plus difficile. Conjuguer les verbes, penser au vocabulaire comme ça en direct. Et même si t'étudies ça depuis quand même longtemps, ton langage, ta langue secondaire, une nouvelle étude nous apprend qu'un petit peu de courage alcoolisé pourrait vous aider à apprendre une nouvelle langue selon le Time. La nouvelle recherche vient de Maastricht University aux Pays-Bas, publiée dans Journal of Psychopharmacology. Ça demandait à 50 étudiants qui parlaient allemand, qui ont récemment passé le test de langue hollandaise en tant que deuxième langue, voilà. Et puis, ils ont demandé s'ils étaient meilleurs ou pires lorsqu'ils parlaient une fois sous. Ah, OK. Et la clé pour parler une langue étrangère, c'est la capacité du cerveau de se laisser aller. Donc, pour parler une deuxième langue, ton cerveau doit filtrer les mots que tu utilisais dans ta première langue et les traduire, étant donné que boire, ben, ça calme ça, ton inhibition. Mm-hmm. Ça va être plus facile de pas avoir à penser à ça, tu vas juste sortir mieux tes mots. Ah. Donc, c'est ça. L'étude est pas un peu détaillée que ça. L'article est vraiment long. Je vous laisse aller le voir si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com parce que c'est dans les notes de l'émission numéro 1156. Et la raison qu'on termine ça aussi rapidement, c'est que c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Déjà? Oui, fini pour l'émission du mercredi qui absolument est remplie de chroniqueurs. C'était rempli de nous deux. Exact. Mais quand même, on a reçu des gens. Oui. On a eu quand même pas mal de plaisir avec Sébastien Viertin en première heure qui nous a fait son bulletin Guertin. Frédéric Simon qui est venu aussi. Oui, par l'improvisation dans les coulisses de la Luître. Demain à notre émission, on va être jeudi. On va terminer ça avec en direct, bien sûr, avec Catherine Langlois à 8h30 pour sa chronique Voyage. Ensuite, à 9h, Stéphanie Paradis va être là pour nous parler de télévision dans sa chronique Patate de Sofa. Et puis, en toute fin d'émission, si tout va bien, ça devrait, on devrait faire ce que j'avais prévu la semaine passée. Oh! Une version assez spéciale d'une grosse pointe tendresse. C'est demain, donc entre 7h et 10h sur nos ondes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous prépare le mercredi? Journée quand même intéressante avec Compte à rebours qui continue à partir de 10h en rediffusion. Oui. Ensuite, à 13h, en direct VHS avec Xavier Clich. Je vais être de retour à 15h pour le Mathieu Plante Show avec des choses geek. À 17h, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique. Et à 18h, c'est écoutedonc.ca avec de la musique alternative. On se dit à demain, 7h. Merci, Alia. Merci, Mathieu. À demain. Bye. Bon... We'll be right back.